Radio, il est 6h, bienvenue à tous. Vous êtes peut-être en voiture à la maison sur une péniche, bienvenue. Dans 20 minutes, Camille Combal paye votre loyer, vous avez juste à vous inscrire pour ça. Loyer, un espace, votre numéro de téléphone au 7 12 13. Camille, qu'on retrouve avec toute l'équipe juste après les infos de 6h. Et ce week-end, vous le retrouverez au Smile à Lille, bien sûr, pour sa soirée pole dance. C'est Tristan Sarah pour l'actu partout en France, pardon. Soirée Suck Me I'm Journaliste. Voilà. Bref, on attaque. Bonjour à tous, du grand beau temps pour aujourd'hui et pour demain sur tout le pays. Du soleil pour tout le monde avec des températures très agréables. 21 degrés en moyenne cet après-midi, 23 à Paris, 24 à Lyon, 26 à Nîmes. La pluie traversera le pays dimanche sur la plupart des régions. La réouverture aujourd'hui de la faculté de droit de Rouen. Elle avait fermé ses portes mercredi après le signalement d'un individu au comportement suspect. L'homme fiché S a été arrêté, placé en garde à vue. Un converti à l'islam radicalisé, déjà connu de la police. C'est le 12e homicide depuis le début de l'année en Corse. Un homme de 35 ans abattu cette nuit dans un village de Haute-Corse au sud de Bastia. Il était au volant de sa voiture lorsqu'il a reçu des tirs de fusil d'assaut. La victime était liée au grand banditisme. Jérôme Kerviel va-t-il devoir rembourser la Société Générale près de 5 milliards d'euros que l'ancien trader serait évidemment dans l'impossibilité de régler. La cour d'appel de Versailles doit se prononcer en début d'après-midi. L'enjeu pour la banque est aussi fiscal car elle avait perçu une aide de plus de 2 milliards d'euros de l'État en 2009 et 2010. La signature d'un gros contrat pour la France aujourd'hui en Inde, la démocratie la plus peuplée du monde, va se porter acquéreur de 36 avions de chasse Rafale, une commande à près de 8 milliards d'euros. Le divorce se précise entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Londres indique qu'il compte activer l'article 50 dès le début de l'année prochaine. Les négociations pourraient ensuite durer jusqu'en 2019. Londres entend ainsi reprendre le contrôle de sa politique d'immigration. C'est le vendredi de tous les dangers au Gabon. La Cour constitutionnelle doit dire si elle valide ou rejette les résultats de la présidentielle du 27 août dernier. Craignant de nouvelles émeutes, la population s'est déjà ruée dans les commerces pour faire des stocks. Le couvre-feu a été décrété cette nuit à Charlotte, aux États-Unis. La ville était le théâtre de nouveaux affrontements dans la soirée entre manifestants et policiers. La police qui a tiré des gaz lacrymogènes. Et puis surtout, n'hésitez pas à modifier vos codes d'accès si vous avez une adresse mail chez Yahoo. 500 millions de comptes ont été piratés. L'actu sport et le match avancé de la 7e journée de Ligue 1. Le Toulouse Football Club va recevoir le Paris Saint-Germain ce soir à 20h45. Une journée qui reprendra demain avec Lorient-Lyon dès 17h. Et suivi de Dijon, Rennes, Bordeaux, Caen ou encore Monaco-Angers dans la soirée. La Nice, le leader, jouera dimanche à Saint-Etienne. Marseille recevra Nantes. Du basket avec le coup d'envoi de la nouvelle saison de Pro A. Ça débute avec le Portel Nanterre ce soir 20h. Paris-Levallois-Nancy 20h30. Les deux favoris, l'ASVEL face à Monaco. Ce sera demain dès 18h30. Et puis un nouveau record de vitesse pour le constructeur automobile français Venturi. La VBB 3 est devenue la voiture électrique la plus rapide du monde. Vitesse de pointe 576 km/h, arrachée sur le lac Salé de Bonneville près de Salt Lake City aux États-Unis. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic avec Camille Combal. Très bon réveil. Je m'appelle Alexia, j'habite dans le Pas-de-Calais. Nous sommes le vendredi 23 septembre, il est 6h du matin. C'est vendredi, c'est super ce soir, c'est le week-end. Une belle journée qui commence, il va faire beau. Et je suis sûre que le Virgin Tonic va me permettre de passer une méga super journée. Je déclare l'émission officiellement ouverte. Bonjour la France ! Bonjour la France ! Il est 6h01, j'espère que tout va bien chez vous. Et on va fêter tous ensemble le premier retard de Camille Combal. D'une minute, il arrive, hein, rassurez-vous. Je pense qu'il devrait, je pense qu'il est même en train de se garer. Ça va Alexia ? Ça va bien, merci. Et bon. Vous ? Eh ben, à merveille. Enfin, moi, en tout cas. Bon, toute l'équipe parfait, est à mes côtés. Pauline est là. Laure est là. Salut. Ginger est là. Bonjour. Nico. Est-ce qu'on a des nouvelles de Camille ? J'ai senti une main sur mes fesses. Donc oui, Camille, ça va. On est en train de fêter ton premier retard, mais retard de 30 secondes. Je m'excuse beaucoup. Désolé d'être en retard. Bonjour, Alexia. Bonjour, Camille. Je t'ai attendu dans le couloir. Alors, je suis pas vraiment en retard. Est-ce que en retard, c'est de pas être au micro ou être en retard, c'est de pas être dans la société? Si je suis dans la société, est-ce que je suis en retard? Non, non, non. Tout à fait. Pardon. Pardon de saluer puisqu'on a la sécu en bas. Pardon de les réveiller. Pardon de les saluer. Pardon de m'occuper de votre jus d'orange, Clément. Oui, mais si on part de là, ton lit fait partie de la société. Donc si t'es dans ton lit, t'es dans la société. Donc si t'es dans ton lit, t'es pas en retard non plus. C'est pour mon prochain retard, je m'entraîne. T'es jamais en retard, Clément. Non, toujours en avance. Écoutez, petit retard du vendredi, je m'excuse, les amis. Oui, j'ai failli sauver un enfant de la noyade. Ah, oh, bah voilà, c'est ça. Pour de vrai, c'est joué à rien. Bah non, pas pour de vrai, Clément. Juste après ton opération à cœur ouvert, finalement. Bah, bien sûr. Tu m'arrêtes pas. Ah ouais. Oh là là. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Ah, qu'est-ce qui se passe? Vous entendez? C'est quoi? Non, non, j'ai encore les réveils qui sonnent. Ça, je peux pas, là, les amis. Vraiment, on voit que, voilà, on arrive, on démarre et vous voyez qu'on est en direct comme tous les matins, les copains. Ma petite Alexia, tu viens d'où? Je viens du Pas-de-Calais. Et alors, sache que tu as une très belle voix dans les couloirs. Merci, c'est très gentil. Ah, vraiment, très très jolie voix, ma belle. Je suis tous ravis de vous retrouver, vraiment. L'équipe, bien sûr, et puis vous tous, là, qui êtes peut-être en train d'ouvrir les yeux, qui, comme moi, êtes peut-être un petit peu en retard pour partir bosser dès 6h. On vous souhaite encore beaucoup de courage, les amis. Et Alexia, on va vous régaler ce matin. Alexia, d'après toi, qu'est-ce que je vais vous offrir ce matin? Alors, je sais pas, peut-être des PS4. Alexia, je dis oui pour de la PS4. C'est Alexia, c'est fait. Il y aura... Peut-être la semaine prochaine, on attend la PS4. On attendra la semaine prochaine pour de la PS4. J'ai des iPhone 7 à offrir. Ah, ouais. Déjà, c'est bien, non, l'iPhone 7, ma belle? C'est fabuleux. Qu'est-ce que t'en penses, Alexia? Ah, trop bien, ouais. Ah, c'est pas mal, quand même. Ah, ouais. Je vais également vous envoyer ce matin. Peut-être que t'es plus voyage, Alexia. Je te sens voyage, toi. Je te sens baroudeuse. C'est trop bien aussi, ouais. Eh ben, Alexia, ce matin, en écoutant le Virgin Tonic, eh ben, vous savez quoi? Je vais pouvoir vous envoyer à Las Vegas ce matin. Las Vegas. Classe. Pour applaudir les Chainsmokers, c'est à gagner dans le tour du monde pop rock électro qu'on vous offre depuis lundi. Dernier gain ce matin. Hein, c'est le 3916 pour nous joindre. Comme je vous disais, iPhone 7. Las Vegas ce matin. Et c'est pas tout. Vous aimez les voyages? C'est ce matin, en direct une nouvelle fois, qu'on vous offrira un séjour à Madini. 7000 euros, hôtel 5 étoiles, transport, hébergement, vous allez vous régaler. Alors oui, j'ai une minute de retard. J'arrive une minute de retard, mais j'arrive les poches pleines de cadeaux, Clément. Mais si on veut des cadeaux et qu'on n'aime pas les voyages, qu'on préfère rester chez soi pendant un mois, qu'est-ce que tu fais pour ces gens-là? Qu'est-ce que je fais pour ces gens-là? Si on reste chez nous sans bouger. T'as envie de rester chez toi? Ouais, j'ai envie qu'on me paye un voyage, mais chez moi. Eh ben, c'est simple, je te paye un mois de loyer. Voilà. C'est ça que je voulais entendre. On a tellement de cadeaux, j'oublie de vous parler du plus beau cadeau toute radio confondue. Mais je blague même pas, vous qui m'écoutez tous les matins, vous le savez. On a tellement de choses à vous offrir ce matin encore. Et pour terminer cette belle semaine, que j'oublie de vous dire qu'un mois de loyer, c'est à gagner déjà dans... 15 minutes. Wow. Énorme. 15 minutes, premier gagnant, loyer au 7-12-13. Vous me laissez loyer un espace, votre numéro de téléphone, bam, votre prénom, votre ville de naissance, vos signes particuliers, votre taille, vos mensurations, le prénom de vos parents, tout ça par SMS, c'est assez simple, hein. Et vous pouvez repartir déjà avec un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit remboursé, ça fait plaisir. Ah ouais. Est-ce qu'elle a fait la Lorette hier soir? Je suis contente de te voir. Bah moi aussi je suis contente de te voir. Écoute, moi je me suis enfin fait mon premier épisode de la saison 13 de Grey's Anatomy. Ah c'est nouveau? Ouais, mais personne n'a là, j'ai réussi à le choper. Bah, j'ai un système, mais c'est trop compliqué à expliquer. Bref, mais j'ai réussi à l'avoir. Ça s'appelle Internet. Non, non, mais en général, il faut attendre le vendredi après-midi pour l'avoir parce qu'il est sorti hier. Je sais, ma chérie regarde, c'est pareil, elle les a le vendredi après-midi. Voilà, mais là, j'ai trouvé un système avec un copain. Bon, bref, très compliqué. Mais du coup, je l'ai vu. Et je me rappelle, alors, je sais que tu m'as envoyé un texto, je sais plus du tout ce que c'est. Oui, bon, tu me réponds pas, donc si tu veux, moi, je suis habituée, je sais que tu prends l'info et puis que tu me réponds un jour. Parce que je dois acheter un scooter. Ah, tu dois changer ton scooter. Voilà. Ah, évidemment. Et donc, elle me demandait de lui en voler un. Ça y est, ça revient, tu vois. Clément, mon bichon, qu'est-ce qu'il t'arrive? Ah ben, tout va bien. Moi, je suis pas fatigué. J'ai fait la fête hier. En bas de chez moi, il y a des bars, comme tu sais. Et hier, j'ai rencontré des étrangers. Il y avait un truc Erasmus. Donc, c'est plein d'étudiants qui viennent et qui font la fête. Et j'ai fait la fête avec des Serbes. Et c'est un pays, j'ai trop envie d'aller à Belgrade maintenant faire la fête. Et je me suis posé la question. Je me suis dit, il y a des pays, je savais pas trop comment c'était. Et là, j'ai envie d'y aller. Je pense que tous ces pays-là, c'est des gens qui. Je pense que c'est des gens sympas. Ah ben, ouais. La Serbie, la Bosnie-Herzégovine. Mais ils sont trop bons en plus. Eh ben écoute, très bien Clément, mais non, ce que tu veux, on ira ensemble. Hein? On ira ensemble. T'es en train de me draguer? Pas du tout. Non mais c'est des. Y a pas un pays comme ça qui t'attire? Qu'est-ce qui... Ah, moi, alors, mais j'ai toujours été très attiré par le Canada. J'ai jamais eu l'occasion d'y aller. Pour un week-end, c'est chaud, mais on ira quand même. Bah, non, mais je vous jure, j'aurais adoré faire un an d'études ou quoi, puis j'ai pas fait d'études, donc. Ça va simplifier les choses, mais vraiment, ouais, j'aurais adoré partir vivre un an au Canada. T'as fait quoi hier soir, ma Pauline? Eh ben, avec William, on est allé dans un bar à vin. Et William, la cartouche, il est à Paris? Mais oui, il est tout le temps là, là. Willou, la cartouche, ton mec, il est à Paris? Oui, on se quitte pas en ce moment. Et pourquoi tu nous le ramènes pas? Ici? Oh ouais! Mais non, parce qu'il y a des marches. Demoiselle, damoiseau. Dans un mois. Veuillez montrer patte blanche. Willou, la cartouchasse, fait son entrée en ménestrel. 10 ans d'écart avec Pauline et il est plus jeune qu'elle, dans sa tête. On a un vrai souci. Non, Willou, la cartouche est à Paname. T'aimerais pas qu'on ramène Willou, la cartouche, dans les studios, Alexia? Oh bah si, ça serait super sympa. Et essayez de me ramener Willou la cartouche, il veut pas venir un peu? Il est timide un peu, hein. Mais toi t'es gêné, je vois. On lui dépeint que des qualités hein, pour l'instant, vraiment à Willou. Ouais. Non, parce que vu le portrait qu'on a, on n'a pas vraiment envie. Mais être âgé, être un senior n'est pas un défaut. Ah non, ça c'est, mais non, c'est tout non, ce qui va c'est avec. Clair. Bah alors, t'as quel âge, ma petite Alexia, je peux te demander? Bah j'ai 44 ans et je suis prof. Et bah voilà, bah, 44 ans prof, et alors moi j'ai 35 ans. Laure a 40 ans. Pas encore. On est en pleine forme. Mais oui. Willou la cartouche, il a 67 ans, il est en pleine bourre. Bien. Mais oui, mais il dort le matin et puis il fait des siestes et tout. Il est très occupé. Hein. Ah, en tout cas, tu nous aides vachement à changer d'opinion sur lui. Ouais. Ginger est là aussi. Ginger, oui, les réseaux, ça fonctionne? Ça fonctionne, tout le monde est réveillé, c'est cool. Ok, là, l'Xbox est en route, tout va bien. Et puis il y a Nico du bureau, ça, Nico du bureau. Ouais, super, tout va bien. D'accord, super, merci. j'ai rien d'autre en magasin. Nico du bureau, c'est ton pote, tu lui parles et à chaque fois que tu parles, tu regrettes. Ouais. Tu fais, ah, pourquoi je l'ai lancé? Pourquoi? Hein? Tu me dis ça au bout de 10 ans? Mais t'as l'air tout triste. Mais non, tout va bien. Regarde, non, mais attends, j'espère que tout va bien pour tout le monde. Regarde, je regarde si tout le monde va. Laure va bien, Clément, tout ça. Je regarde si toute l'équipe va bien. Et après, voilà, on peut faire une belle émission. Là, il est un peu tôt parce que déjà, on a des cadeaux magnifiques à vous offrir. Mais Nico du bureau a commencé à me dire ce qu'on vous offrait la semaine prochaine. On vous dira en fin d'émission, c'est incroyable. Ouais. C'est genre quoi? Hein? Un indice. Il y a un indice, j'espère que vous n'avez pas peur des lions. Ah. Allez, salut à tous, c'est mardi, on vous offre un lion Virgin Tonic ce matin. Attention, il sera livré directement chez vous. Oui, Nico du bureau. Et puis ce matin, on va essayer de réveiller des auditeurs, on a lancé le truc hier. Ah oui, on a lancé le truc hier sur les réseaux. Ah ça, je voulais absolument en parler, merci Nico. C'est vraiment le seul à suivre cette émission. Écoutez, on va faire ça, on vous est inscrit sur Facebook, vous dites voilà, moi je me réveille à telle heure. Appelez-moi en direct et réveillez-moi. Faites mon réveil matin. On va essayer de le faire ce matin. Trop bien, c'est trop drôle. C'est sympa, hein. Trop bien. On ne pourra pas vous offrir un loyer à chaque fois. Non. Dans tous les cas, on vous rappellera en direct, les amis. Alexia, je t'embrasse encore très, très fort, ma belle. Merci d'avoir démarré cette émission. Et on écoute Imani, Don't Be So Shy. Vous êtes dans le Virgin Tony. Soyez les bienvenus. Merci, hein, vraiment d'être là. 6h, 9h, on est là chaque matin. Tonic. Take a breath, rest your head, close your eyes, you are right. Just lay down to my side. Do you feel my heat on your skin? Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Hold my step, I'm in command. Can you feel my hips in your hands? And I'm laying down by your side. I taste the sweet of your skin. Take off your clothes, blow up the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. And my heart just raced so much faster. I drowned myself in your holy water. And both my eyes just got so much brighter. And I saw God, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin. Take off your clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes, oh bless me Father. Don't ask me why, you're right, you're right. Take off my clothes, blow out the fire. Don't be so shy, you're right, you're right. Take off my clothes and bless me further. Don't ask me why, don't ask me why, don't ask me why. Très très bon réveil à vous tous sur Virgin Radio. Vous aussi qui bossez hein, toute la nuit. J'espère que cette journée va bien se démarrer, va bien se terminer aussi pour vous les copains. On est très heureux d'être là, 6h, 9h en direct. Laure, Clément, salut. Bonjour. La popo du standard. Et tiens, vous, je sais que vous êtes aussi nombreux à déjà être réveillés aussi pour faire du sport. Oui. Avant d'aller bosser, avant d'aller déposer les enfants à l'école. Eh bien, j'ai un nouveau record. Il est détenu par l'américain Jeffrey Warrick. Oui. Mm-hmm. Jeffrey Warrick, il a fait 46 300 pompes en 24 heures. Mais non. Oh. C'est énorme. En une journée, il a fait plus de 46 000 pompes. C'est le record du monde. Il n'y a pas un exercice comme ça dans lequel vous êtes doué, vous avez tout lâché, Laure? Un exercice que j'ai lâché? Ah si, si. On m'avait conseillé de faire des exercices de visage pour les rides. Tu sais, c'est un espèce de truc de gymnastique comme ça où tu fais des grands gestes. Et c'est un peu des grimaces pour faire bouger les muscles du visage. Exactement, sauf que c'est fatigant comme tout. C'est plus fatigant qu'un cours de danse. Et surtout, j'avais des courbatures dans les joues. Mais surtout, ouais. Ça va donner plus de rides de bouger le visage tout le temps. Bah non, ça muscle et ça enlève les rides. Ouais. D'accord, mais faut pas le faire à la radio parce qu'on t'entend le faire. Mais non, Camille, en fait, ça muscle le truc. Oui, Nico du bureau. Il y a deux funesses à ma gauche. Clément, à l'époque, en me levant, je faisais des flexions, on m'avait dit que c'était bien, mais du coup, je suis ultra musclé des cuisses, et ça va pas du tout avec le reste de mon corps. J'ai les cuisses de Zizou sur le corps de, je sais pas qui, et ça va pas avec le reste. Sur le corps de qui? Sur le corps de... Bridou. Non, Depardieu, mais un peu plus jeune. Oui, il y a deux ans. Restez avec nous sur Virgin Radio, on écoute LP, je vous souhaite encore un excellent réveil. Lost on You. Merci de nous avoir choisi, c'est le Virgin Tonic. When you get older, plainer, saner, will you remember all the danger we came from? Burning like embers, falling tender, longing for the days of no surrender years ago. And will you know? Understand the toil of expectations in your mind. Hold me like you never lost your patience. Tell me that you love me more than hate me all the time. And you're still mine. So smoke them if you got them, 'cause it's going down. Lost on you. Oh, tell me how they lost on you. tous sur Virgin Radio. Merci de nous avoir choisi. 6h17, le pop rock électro que vous aimez et le pop rock électro qu'on vous fait découvrir aussi. C'est tous les matins entre 6h et 9h avec Mike Perry, The Ocean. Voilà ce qui arrive. The Ocean. L'océan finalement. Restez avec nous et puis bien sûr, je vous paye votre loyer dès 6h20. On n'attend pas 7h pour vous faire des beaux cadeaux. Loyaux 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. On est là à vos côtés tous les matins à 6h, 9h. Je sais que c'est pas simple vendredi. On va vous donner du courage. On est là pour ça. Bougez pas. Et si les pros communiquaient sans compter à travers toute l'Europe? Moi, avec Orange, j'ai les SMS et MMS illimités en France. Et moi, avec Orange, j'ai les appels illimités en France et en Europe pour joindre mes clients. Et ben moi, avec Orange, j'ai 25 gigas d'internet mobile dans toute l'Europe. Il serait peut-être temps que tu prennes des cours d'anglais. Avec les forfaits mobiles Performance Pro et Open Pro d'Orange, communiquez avec vos clients sans compter en France et dans toute l'Europe. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange, valable sur certaines offres, conditions et tarifs sur orangepro.fr. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Encore une très belle journée aujourd'hui sur tout le pays. De belles éclaircies sur les régions du nord, du soleil sur la moitié sud, en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Le mercure 17 degrés cet après-midi au Mont-Saint-Michel, 18 à Deauville, 19 à Lille et à Brest, 21 à Compiègne, Strasbourg, Colmar et Chambéry. Vous aurez 23 degrés à Paris, Rennes, Nantes, Limoges, Marseille et Nice, 24 à Lyon et en Corse, 25 à Bordeaux, maximal 26 pour Montpellier. Le soleil va briller encore demain sur l'ensemble du pays. Attention, la pluie fera une traversée de toute la France ce dimanche. Bon réveil. Il y a quoi à la télé? Elle Girl, la nouvelle chaîne où les femmes prennent l'écran. En exclusivité sur Elle Girl, The Ellen DeGeneres Show. The Royals, la série avec Elisabeth Hurley qui sème l'anarchie dans la monarchie. Et Catwalks, le magazine d'une décennie de mode décrypté par Ina Moja. Elle Girl, tout l'esprit de Elle dans un écran très girl. Uniquement dans les offres canal. Mais il y avait quoi avant à la télé? Moitié au 73202. Nos experts vous diront si votre couple est fait pour durer. Envoyez Moitié, M-O-I-T-I-E, au 73202. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julien Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Match au 73-200, nos experts vous disent si vous êtes vraiment compatible. Match, M-A-T-C-H, au 73-200. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au passe. Bientôt dans votre playlist, déjà sur Virgin Radio. Le nouveau The Chainsmokers. Le nouveau Shawn Mendes. Le nouveau Feder. Petit Biscuit. Virgin Radio. Pop. Rock. Electro. Tout de suite. Votre loyer sur Virgin Radio. 6h20 les amis, soyez les bienvenus avec nous comme chaque matin. Bien sûr, votre loyer est à gagner. C'est à 6h20, à 7h20 et à 8h20. Un mois de loyer, un mois de mensualité de crédit. Voilà le chèque qu'on vous fait trois fois par matinée. Nous, on vous fait chèque, après vous le dépensez comme vous voulez les copains. Il suffit de vous inscrire avec un SMS loyer au 7 12 13. Ok, ça suit. Attention. Allez, on met du rythme l'équipe. C'est parti. Ouais, allez. Qu'est-ce allez. Qu'on fait? Attention, allez. On muscle les abdos fessiers. Ouais. Attention, on bloque le périnée et on appelle. C'est parti. Ok. Et l'appel est parti. On y va tous ensemble. C'est le premier de la matinée. C'est normal, ça tire un peu. Vous allez voir, ça va rentrer tout seul. Pas de soucis. C'est parti. Ça décroche. Salut, qui allô est là? Oui, salut, c'est Lara. Salut, c'est Lara. L'équipe qui est sondée à Lara, on dit... Salut, Lara. On dit salut, Lara. Super, allez. On continue, on baisse un peu, on remonte. On baisse, on remonte, super, il y a du rythme. C'est comme ça le loyer, c'est tous les matins, c'est sur Virgin Radio, c'est à 6h20, 7h20 et à 8h20. J'ai peut-être donné un indice en disant Virgin Radio. Lara, ma chérie, attention, pareil, on reste dans le move, on reste dans le rythme, on essaie de suivre l'équipe et on me dit qu'elle est la seule radio qui paye ton loyer. Virgin Radio. Et c'est une bonne. Super, allez, on monte sur le step et à 3 on lui dit bravo. 1, 2, 3. Bravo! Super l'équipe! Super l'équipe! C'est bon, j'ai fait mon cardio pour la journée. Ah, je suis content. Ouais, Clément. Génial. Je peux faire une pause ou pas? Non, non, non. Ça fait une heure que je fais les abdos fessiers, j'ai pas d'abdos sur les fesses. Non, non, non. Clément, on n'oublie pas. La tête, elle lâche avant les jambes. Allez, c'est parti, on continue, on donne tout, je veux vous voir. Vous suivez Laure, c'est super Laure ce que tu fais. Merci. J'adore, j'aime ce que je vois et je vois ce que j'aime. Lara, attention, on y va, on me répond, on vient d'où Lara? À côté de Clermont-Ferrand, un petit village qui s'appelle Saint-Sylvestre-Fragoulin. Un petit village de campagne, voilà. Eh ben très bien, en tout cas, merci d'être inscrit au Virgin Tonic. Avec plaisir. C'est qu'il y a Gym Tonic, Virgin Tonic. Bah oui, ça fait Virgin Tonic. Bah oui, alors Gym Tonic, c'est Gym Tonic. Il y a aussi Gym Tonic. Oui, il y a aussi. Mais Gym Tonic, c'était une vieille émission de fitness, comme maintenant, il y a Gym Direct sur D8. Et c'était à l'époque sur TF1, je crois. Avec Véronique Adavina. Exactement, ma petite Lara, donc on va envoyer un chèque de combien là-bas? Alors c'est 552 des poutières. Franchement là je suis tellement surprise que je suis désolée, mais voilà, 552 des poutières. Tu plaisantes, ça va très bien, t'inquiète pas, t'auras le temps de retrouver le montant exact, on te fera le chèque ma belle, t'es notre première gagnante de la matinée. Tu fais quoi à 6h22? Eh ben tu vois, je pars au travail, mais alors là je crois que ma journée elle va être super bien, c'est vendredi, c'est le week-end, on paye mon loyer. Ah là, c'est parfait, c'est une journée parfaite, là, impeccable. Eh ben t'es un ange, ma chérie, vraiment. Mais en tout cas, merci de partir le matin en nous écoutant, ma belle. On est ravis de t'offrir ce cadeau. Eh ben, avec grand plaisir, je vous adore et continuez. Vous me faites beaucoup rire et franchement, merci. Merci parce que là, en plus, ça tombe bien avec les impôts, le bois, tout ça. C'est parfait. Eh ben t'es un amour, ma belle. Et je sais, je sais, tous ceux qui ont pas eu la chance là d'être tirés au sort, rassurez-vous, il reste deux tirages, 7h20, 8h20. J'espère qu'on vous filera, vous aussi, un bon coup de main. Malara, je te fais des bisous. Eh ben moi aussi, je vous fais un gros bisou à toute l'équipe et continue à nous faire rire le matin, c'est génial. Ben t'es un ange, ma chérie, merci de ta fidélité. Les amis, vous êtes sur Virgin Radio, vous avez fait le bon choix, c'est là que ça se passe tous les matins. Qui est en couple dans l'équipe? Il y a du Pauline, il y a du Laure. Oui. Et c'est à peu près tout, et moi? Oui. Vous savez ce qu'on fait? Non. Je vais vous donner un chiffre incroyable et je voudrais que tous les couples qui nous appellent, tiens, ça marche pour les célibs avec vos ex d'ailleurs, vous m'appelez, vous me dites votre chanson de couple. D'accord. La chanson qui représente votre couple. Alors je sais qu'il y en a, c'est la chanson de la rencontre, il y en a d'autres, c'est juste la chanson préférée du couple. Oui. Il y en a d'autres, en général, c'est la femme qui aime bien une chanson qui dit c'est notre chanson. C'est-à-dire la chanson du couple. Quoi qu'il en soit, dites-le nous, appelez-moi maintenant au 3916, que j'ai le temps de les mettre de côté. On va parler de ça avec vous dans un instant. Je vous souhaite encore une belle journée, un beau vendredi, 6h24. Virgin Radio. Come on, say Virgin. You can be my guiding light. Keep me company in the night. That's all I need. All I want is for you to stay a little longer now. With arms around me like a border. Like the air. J'aime bien ça, hein. Mike Perry, The Ocean, ça c'est une nouveauté Virgin Radio. Dites-nous si vous aimez ou pas, nous vous le savez, cette émission c'est la vôtre. Vous aimez pas, on met plus, vous aimez bien, on remet. 6h27 les copains, en tout cas j'espère que tout va bien pour vous, c'est vendredi aujourd'hui. Un peu plus dur de se réveiller, je le sais, mais commencez à vous dire tout ce que vous allez faire en week-end, comment vous allez vous amuser. On a eu Lara, il y a quelques minutes, qui a gagné le loyer, qui disait ouais. « Je suis déjà dans l'ambiance du week-end, me dire ce que je vais faire. » Eh ben faites pareil, profitez, la journée passera mieux les copains. Et je vous ai dit que je cherchais votre chanson de couple. Oui. Ouais. Appelez-nous au 3916, n'hésitez pas, dites-nous la chanson qui représente votre couple. Ou avec votre ex, ça marche très bien évidemment, puisque j'ai un chiffre de dingue. Les applications Tinder, vous connaissez Tinder, oui, hein, bien sûr. On match avec les gens qui sont près de chez nous, voilà, comme ça qu'on fait des rencontres. Et le service de musique Spotify s'associe pour créer une application. Ouais. En fait, maintenant, on pourra matcher en musique. C'est-à-dire c'est que génial. On verra pas la photo de la personne, ah bon, on verra pas son caractère, on verra pas ses qualités, ses défauts. C'est qu'en fait, elle dira voilà ce que j'aime. Et en fonction de ce qu'elle aime ou ce qu'il aime, hein, d'ailleurs, vous regardez, vous matchez ou pas. Donc en fait, vous matchez en fonction des goûts musicaux. Ah ouais, ouais, d'accord. C'est mieux. Voilà. Après, je cache pas que c'est pas pour créer un duo, mais bon, en tout cas, c'est par rapport à la musique. Et surtout que c'est pas bête parce que la musique, ça en dit long. Ouais, c'est génial. Ma petite Laure. C'est génial, mais j'espère qu'après avoir matché, on peut voir la tête de la personne avant de le rencontrer. Ah bah un jour ou l'autre, faudra bien le voir. Bah évidemment. Pauline au standard. Alors moi, la musique, c'est très important. Tu vois, moi, j'ai un ex, ça s'est terminé parce que je supportais pas ce qu'il écoutait. Ah ouais. Il Calogero ? Non. Non, il écoutait une sorte de Maquina, c'était horrible. Je pouvais pas rester avec lui. Maquina, c'est la techno espagnole, très techno. Hein. Oui, Ginger. Et ce qu'il y a de bien en plus, c'est qu'on peut s'envoyer des morceaux aussi. Du coup, tu peux faire des conversations en te répondant avec des chansons. En fait, c'est ça l'idée, voilà. Ouais. C'est d'échanger et simplement par la musique, se dire. Voilà, est-ce qu'on peut accrocher avec la personne ou pas? C'est maintenant, vous comprenez pourquoi je vous dis. Dites-moi la chanson qui représente votre couple. Eh oui. Les garçons qui m'écoutaient, on sait très bien, c'est une chanson qu'aime bien votre chérie, qui est devenue votre chanson. Ou peut-être la première fois que vous avez fait l'amour avec votre chérie, la première fois que vous êtes rencontrés, Laure. C'est que j'ai un copain qui est tombé amoureux d'une fille parce qu'il a trouvé son iPod. Et c'est un vrai truc, c'est une vraie histoire. Et en musique, donc il y avait toute sa musique dedans. Il est tombé amoureux des musiques en fait. Et ça a marché entre eux. Et ça a marché entre eux. Ah, c'est génial comme histoire. Oui. Nous, notre musique avec Juju, c'est. Alors attends, vas-y, tu vas me dire. On va commencer avec toi. On a déjà du monde, hein, au standard. On va vous rappeler en direct. Inscrivez-vous. La musique de Juju et Laure, qu'est-ce que c'est? Là, c'est la musique sur laquelle on s'est embrassé. Donc c'est Lucky de Jason Mraz. Donc toi, voilà, c'est passé la première fois que vous êtes embrassé, c'est là-dessus. Premier bisou. C'est beau. Et c'était où? En Corse. Ouais. C'est beau. Ah ouais, franchement, ce baiser était magique. Les autres après étaient non. Et puis on rappelle qu'il y avait un Juju et dentiste. Alors franchement, c'est un baiser qui est validé par l'Union française pour la santé bucco-dentaire. Ça devait être magnifique. Les amis, je vais vous dire, moi j'en ai une aussi avec ma chérie. Ouais. Bah une qu'elle a choisie. Non mais en vrai, on a notre chanson aussi. C'est vraiment un truc de couple, hein, d'avoir sa chanson. D'ailleurs après, je touche du bois, mais je veux dire, quand tu te sépares après. La chanson à vie, elle te ramène à cette personne. À vie. On en parle avec vous dans un instant, restez là, 6h30. Avant ça, on va faire un point sur l'actu avec tous nos journalistes en France. Ils sont plus de 60 à vous préparer une info qui vous concerne vraiment. On les adore, on les retrouve tout de suite. Et puis nous, on reste là, hein, puisque juste après, on écoutera le pop rock électro de 21 Pilots. Bougez pas. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, deuxième jour de l'automne et du soleil comme s'il en pleuvait aujourd'hui sur tout le pays. Une très belle journée à venir avec de larges éclaircies sur l'ensemble des régions. Un mercure à 21 degrés en moyenne cet après-midi, du soleil encore demain mais de la pluie dimanche. La fac de droit va rouvrir ses portes dès aujourd'hui à Rouen. La menace que faisait peser un homme au comportement suspect a, semble-t-il, été levée. L'université a été fouillée, la sécurité va être renforcée. Repéré par un étudiant, l'individu fiché S a été interpellé. La cour d'appel de Versailles va se prononcer sur l'affaire Kerviel. Elle doit dire aujourd'hui, en début d'après-midi, si elle condamne ou non l'ancien trader à verser près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Jérôme Kerviel, dont la condamnation à 3 ans de prison ferme pour abus de confiance, faux et fraude, a été définitivement validée en cassation. Merwan Ben Ahmed a été interpellé en Suisse. Il s'agit d'un ancien membre du GIA, le groupe islamique armé algérien. Il était activement recherché depuis le non-respect de son assignation en résidence en France. Il a fait savoir qu'il s'opposait à son extradition. Jean-Yves Le Drian, lui, lui est à New Delhi. Le ministre français de la Défense va y signer un gros contrat avec son homologue indien. La livraison de 36 avions de chasse Rafale à l'armée indienne de fin 2019 à mi-2022. Chiffre évoqué, 8 milliards d'euros. Les Gabonais, dans l'attente de l'arrêt de la Cour constitutionnelle, elle doit dire si elle valide ou rejette les résultats de la présidentielle du 27 août dernier. La proclamation des résultats avait alors donné lieu à des réclamations, mais aussi des émeutes, des pillages et des violences. Des passagers terrifiés à bord d'un A320 de la compagnie Jetstar. Certains disent avoir entendu une explosion, puis vu de la fumée dans la cabine une heure après le décollage de l'Airbus en Australie. Les pilotes ont dû couper un moteur et poser l'avion en urgence à Brisbane. 500 millions de comptes Yahoo ont été piratés. Cela ne date pas d'hier, mais de fin 2014. Les hackers ont eu à cœur de dérober les noms des inscrits, leur date de naissance, leur adresse mail, mot de passe et autres numéros de téléphone. Si vous avez un compte Yahoo, le mieux est bien sûr de modifier rapidement votre code d'accès. On passe au sport avec du foot. Ce soir, l'ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Toulouse va accueillir Paris à partir de 20h45 au Stadium Municipal. Les 9 autres rencontres auront lieu ce week-end. Lorient-Lyon demain dès 17h. Avant Dijon-Rennes, Bordeaux-Caen ou encore Monaco-Angers dans la soirée. Nancy recevra Nice dimanche et Marseille accueillera Nantes. Enfin, un grand jour aussi pour le championnat de France de basket. Première journée de Pro A. D'aujourd'hui jusqu'à lundi, le Portel face à Nanterre ce soir en match d'ouverture. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Bon réveil. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, 6h33. Peut-être que vous ouvrez tout juste les yeux avec nous. Ben bon courage en tout cas. Peut-être que vous passez au petit-déj, vous sortez tout juste de la douche. On est là à vos côtés, 6h, 9h. On pense fort à vous. Je sais que le vendredi, c'est encore deux fois plus dur de se lever. Il y a toute la semaine qui est, qui est dans les jambes. Ben rassurez-vous, on va encore prendre deux fois plus soin de vous. On va vous régaler ce matin. Je vous l'ai dit, on a un iPhone 7 à vous offrir. Vous savez ce qu'on va faire ? Non. On va arrêter de tourner autour du pot de Bridélis. Puisque on l'offre tout le temps. Alors vous savez ce que c'est, hein, dans les radios, on dit oui, l'iPhone 7 il a gagné. Puis en fait, il a gagné à 9h05. Mmh. Ouais. Mais vous savez ce qu'on fait ? Je vous l'offre là. Dans les 10 minutes, je vous offre l'iPhone 7. Wow. Vous tous là qui êtes déjà réveillés, la France qui se lève tôt à 6h34, eh ben vous avez droit à avoir des beaux cadeaux. Il y a déjà un loyer qui a été gagné. Et nous, on offre un iPhone 7 avant 7h sur Virgin Radio. Vous le méritez. 3916 pour nous joindre. Ce sera le retour du Crooner Game. Ouais. Ouais. Un crooner, un jeu, comment on l'a appelé ? Le Crooner Game. Ok, énorme brainstorm de plus de 16 minutes hier. Crooner Game qui arrive dans un instant. On va chanter en direct sur Virgin Radio. Sur cette émission, c'est devenu un immense karaoké. C'est bien. Il y a le réponse à tout, bien sûr, de Clément Lincruste qui va arriver comme tous les matins. 21 Pilots pour le pop rock électro. Et pour le moment, on parle de musique de couple. Oui. Laure nous en a dit un peu plus sur son couple. Alors, on a appris qu'une application va sortir. On matchera ou on rencontrera des femmes et des hommes uniquement si on match et si on accroche sur ce qu'ils écoutent. Je trouve ça très fort. C'est énorme. Et donc, je me suis dit, quelle est votre musique de couple ? Chacun a eu un choix. Il y en a, c'est parce qu'on s'est embrassé la première fois. C'est le cas de Laure. Voilà. Il y en a d'autres, c'est à force. C'est devenu une chanson que les deux ont bien aimée et c'est devenu une chanson pour les deux. Moi, j'en ai une, c'est la honte absolue. Vas-y. Non. Je dirai à la fin. D'accord. D'abord, je veux la vôtre. Clément. Ben, moi, je vais laisser le passé de côté. Je vais faire comme à ton appli. Je vais mettre une chanson que j'aimerais bien que ce soit ma chanson de couple. Et si quelqu'un est chez lui ou chez elle, comme ça, autant dire c'est la même chanson, on matchera. C'est quoi ? Les Fugees. Ça. J'aimerais bien dire ma chanson de couple. J'adore les Fugees, voilà. Ben si les filles, si vous aimeriez que ce soit votre chanson de couple, eh ben il faut appeler Clément. Voilà, il faut le contacter, il est dispo. Ma petite Pauline au standard. Alors trois mois maintenant que tu es avec Willou la cartouche, ouais, de Bordeaux. 10 ans d'écart, mais c'est l'amour fou. Est-ce que vous avez déjà une chanson de couple ? Ben, pour moi, après maintenant je la remets, il me fait ça m'y fait penser. Il m'a dit qu'il m'aimait sur Nina Simone, Ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Oh, mais là, je suis l'angoisse. Mais la tristesse de ce couple, mais c'est pas possible. La tristesse du couple, je te jure, mais c'est pas possible. Mais l'âge des gars, quoi. C'est vrai que c'est pas cohérent avec le je t'aime. Mais vous passez un week-end avec les De Gaulle, ils s'ennuient, je pense. Vraiment, même De Gaulle, dans sa maison là-bas en Corrèze, au fin fond du truc avec Madame De Gaulle, je suis sûr, il arrive, il dit il faut les foutre dehors, moi. On est samedi soir, je peux pas rajouter le dimanche. Je peux plus les blairer, les deux, ils sont sont trop relous. Mais c'est pas vrai, mais c'est quoi ce couve de kata? C'est magnifique cette chanson. Mais c'est pas vrai, elle est belle. Je te dis franchement, ton histoire elle est belle, mais les deux ensemble on n'y arrive pas. Oui, Laure. Mais comment ils vont être à 80 ans? Qu'est-ce qu'ils vont écouter? C'est pas possible. Ils seront jeunes à 80 ans. Mais c'est pas possible. Oh là là là là là là. Pierre, mon bichon, est-ce que t'es en couple? Bah oui, si je te rappelle, c'est que t'es en couple, mon pote. Salut. Oui, salut, Camille. Salut, l'équipe. Salut. Oui, je suis en couple. Et bah moi, ma chanson de notre couple, c'est The Razor Kid Clean Air. The Razor, ah c'est ça. Eh oui. Parce que les couples là, tu vois, Pauline, tu dis ouais, j'aimerais bien que ça devienne celle-là. Après, quand t'as le temps, tu choisis pas en fait. C'est, tu sais pas. Toi, t'as une chanson de couple. Elle t'a marqué quoi. Eh ouais, c'est un truc. On sait même, on se le dit. On dit, on sait que c'est notre chanson. Mon petit Pierre, pourquoi celle-là, Clean Bandit? Ben je sais pas. Écoute, moi, ça me dit que dans les paroles, on dit que on est jamais aussi bien qu'avec sa chérie. Et ben c'est tout à fait le cas avec moi, quoi. C'est vrai. Mmh. Je suis pas mieux qu'avec ma chérie. Ben hey, c'est pas beau ça. Ouais. C'est beau l'amour. Ma petite, oui, c'est beau l'amour. Oui. Et alors Audrey, elle m'a choisi une chanson. En vrai, vous allez tous dire, ben faut absolument que ce soit ma chanson de couple. Mmh. C'est évident. Ça fait combien de temps que t'es en couple, Audrey, ma belle? Bonjour Camille. Bonjour l'équipe. Ça fait 17 ans. Wow. C'est beau, hein. Et votre chanson, de couple, c'est quoi? Alors, c'est Over the Rainbow de Ease. Ah ouais. Ah ouais. C'est magnifique, mais alors, ça veut dire que vous avez passé 13 ans sans chanson de couple. Parce qu'elle a 4 ans, la chanson. Non, plus. Beaucoup plus. J'adore. C'est beau, ça. Ah, c'est oui. Canon. C'est la chanson des mariages, c'est. Tu rentres à l'église là-dessus, normalement. Et c'est beau parce qu'elle fait mariage et enterrement. Ouais. Pas que tu couches sur ça. Pardon, elle marche pour les deux. Oui, oui. Par contre, vous dire, ça veut dire que c'est une belle chanson aussi. Vous voulez que je vous donne la mienne ou pas? Est-ce qu'elle fait mariage et enterrement là, tiens? Arrête. Allez. Ouais, c'est vraiment notre chanson de couple, ouais, avec Michel. Mais c'est la nôtre, quoi. On l'entend, on se regarde, on fait. Bon, on l'entend plus souvent, mais. Faire une virée. Oh. Moi, s'en aller sur le chemin. Ben ouais, c'est notre chanson. Dans ton automobile. Mais en plus, vous voulez que je vous dise la vraie vérité? Ouais. J'ai aucune idée de pourquoi c'est notre chanson, mais c'est notre chanson. Bon, bah, écoute, c'est mignon. Non mais il y a rien eu, on n'est pas parti en Italie, on est machin. Je veux dire juste, je sais pas pourquoi, mais genre c'est notre chanson. Pourquoi tu l'arrêtes, eh bien. C'est Lily Cube, hein, c'est ça. Salut ouais. À tous, bienvenue sur Virgin Radio. On est là pour une après-midi de pop rock électro tous ensemble à 16h20. Je vous fais gagner vos places pour Jarro Rock. Mais avant c'est Lily Cube. Voyage en Italie, ça défonce. Oh, j'adore. Oui, Nico du bureau. Bah, tu rigoles, mais ça passait avant sur Virgin, ça. Ah bon? Ouais, il y a longtemps, mais. Europe 2. Pas sur Europe 2, oui. À l'ancien Virgin? Lily Cube, je crois pas, quand même. Ah, si, si. Ah bon? Ah, je te promets. Si, si. Oh. On vérifiera. Oui, ma Pauline au standard. Et ce qui est génial avec cette chanson, c'est que vous pouvez faire un duo quand vous l'écoutez. En plus. Ça, c'est bien. Ouais. Oui, alors que. La scène. C'est beau, c'est émouvant. Ouais. On peut aimer ou pas, mais tu vois, il y a un truc. Mais imaginez les deux, Pauline et son mec, en mode. Ah, apparemment. Audrey n'adhère pas à ce que je dis, visiblement. Mais quand même, imaginez le couple de Pauline. Quand même, oh, on se met notre chanson. Ah oh, ouais, on s'aime trop, c'est génial. Ne me quitte pas. Mais quelle horreur. Je t'inventerai. Les mots ont changé. Tu te comprends bien. Mais c'est pas possible. Elle te donne la mononucléose. Elle m'a donné en l'écoutant la mononucléose. C'est en moi, les amis. On est clairement en retard pour écouter la réponse à tout. On le fera tout à l'heure. Rassurez-vous. Je vous souhaite encore un bon réveil. Merci de nous choisir. C'est Virgin Tonic et c'est 21 Pilots tout de suite. Virgin Tonic. Et n'oubliez pas, iPhone 7 à gagner dans 3 minutes à peine. C'est le 3916 pour me joindre. Bon réveil. Sometimes pieces of peace in mind. I know it's hard sometimes. Yeah, I think about the end just way too much. But it's fun to fantasize on my enemies who wouldn't wish who I was. But it's fun to fantasize. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, oh, oh, oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. That's easy to say. We have a list of people that we would take. A bullet for them, a bullet. bullet for you, a bullet for everybody in this room. But they don't seem to see many bullets coming through. Too many bullets coming through. Metaphorically, I'm the man, but literally, I don't know what I do. I'd live for you, and that's hard to do. Even harder to say when you know it's not true. Even harder to write when you know that tonight there were people back home who tried talking to you, but then you ignore them still. All these questions, they're falling like, who would you live for? Who would you die for? And would you ever kill? Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Oh, I'm falling, so I'm taking my time on my ride. Taking my time on my ride. On vous envoyait les applaudir, c'était mardi dernier à Berlin, les 21 Pilots sur Virgin Radio, 6h43. Et sur Virgin Radio à 6h43, on perd pas de temps, on vous offre déjà des iPhone 7. Imaginez, avant 7h, on aura déjà payé un mois de loyer, on aura déjà offert un iPhone. C'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Si Bastien gagne le jeu tout de suite, il a été tiré au sort au 3916 parmi des milliers d'appels. Salut mon Bastien. Salut Camille, salut toute l'équipe. Salut. Je suis content d'être avec vous. Et moi aussi, je suis très heureux. C'est vendredi aujourd'hui, vous le savez, le 23 septembre. Courage à vous qui ouvrez les yeux, courage à vous qui êtes déjà en voiture. Mon Bastien, tu pars bosser toi? Pas vraiment. Tu pars dormir? Pas vraiment non plus. Tu vas jouer à la PlayStation? Voilà. Ouais, ouais. J'ai bien compris. Mon pote, un iPhone 7 pour toi. Attention Bastien, il va pour ça falloir que tu gagnes un jeu qu'on aime beaucoup ici. C'est le Crooner Game. Ladies and gentlemen, this is the Crooner Game on Virgin Tonic. Thank you. Et oui, car aujourd'hui, c'est l'anniversaire du grand crooner Julio Iglesias. Ah, j'adore. Oh, les charmes. Alors, et pour les plus jeunes qui nous écoutent, tout simplement, le papa d'Enrique Iglesias. Ouais. Et oui, on oublie de le dire même tellement, mais c'est le papa d'Enrique Iglesias. Mon Bastien, c'est très simple. On a un crooner qu'on adore ici. C'est George Crooner. Hein. Thank you. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Il ressort tout juste d'une boîte de jazz et il va te reprendre des morceaux très connus. Version jazzy, version crooner. Si tu en retrouves au moins deux, c'est gagné pour toi. D'accord, mon pote? Ok, ça roule. George. Thank you. Je vous demanderai juste de d'éteindre les téléphones portables hein, pendant la représentation. Évidemment. On peut pas vous filmer? Ah non, interdiction. Oh bon, ok, ok la vedette. Désolé. Pas de soucis, Rihanna. On y va, attention, George Crooner, c'est à vous, la piste est à vous. On y va. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best you do. Oh, don't forget me, I'm paying. I remember you say. Check it out, man. Got it out, man. Sometimes it thoughts is slow, but sometimes it hurt its head. Thank you, everybody. Thank you. Oh là là, wow. Un bar est à votre disposition au fond du studio. Oh là là là là là là là là là là. C'est beau, bien, hein. C'est trop bien, j'adore. Je pourrais écouter un album que de ça, ouais, sincèrement. Ouais, hein. Ouais, c'est trop bien. Mon Bastien, ce que tu as retrouvé, c'est facile, hein. Mais oui, c'était Adèle. Évidemment que c'est Adèle. Someone like you. Attention, on y va. Deuxième extrait. George Crooner, à chaque fois, vous nous emballez. Hein. Ah, thank you. Mais vous êtes de New York. Ah oui, c'est vrai. Ah bah, thank you. Ah bah, thank you. On y va, c'est parti. Deuxième extrait. Écoute bien, Bastien. iPhone 7 à la clé. Hein. On y va. Don't give you up, what, what. I won't give up, what, what. Let me love you. Let me love you. Don't give you up, what, what, what. Hey, I won't give up, what, what, what. Let c'est beau. Mais non. Ça, mais non, non, mais non. Tout évidemment, je chante en live. On filme tout ça, vous allez revoir toutes les vidéos. Mon petit Bastien, est-ce que tu as retrouvé? J'ai trouvé que c'était très bien, mais j'ai un doute. Ce serait pas Alan Walker ou... Et non, et non, et non, et non, et non. Ah. C'était Johnny Walker. Non, non, non. C'est whisky, ça. Ouais, c'est ça. Non, non. On y va, dernier extrait. C'était DJ Snake et Justin Bieber, mon poteau. Oh. Alors, et c'est un tube, mais c'est vrai que ça fait pas non plus longtemps qu'il est sorti. C'est un peu plus difficile. C'est pas grave. Et vous savez quoi? Ça me fait plaisir. Ça permet d'entendre une dernière fois George Crooner. C'est clair. En revanche, te plante pas, Bastien, sinon tu passes à côté de l'iPhone. Hein. Ah ouais, non, surtout pas. Ah bah, surtout pas. On y va, c'est parti. Dernier extrait. Et celui-là, il est simple. Hein. On y va. Baby, I don't need your love pills too often tonight. A love shit thrill. Baby, I don't need your love pills too often tonight. A love shit thrill. As long as I can feel the groove. Check it out, man. Bring it on, a love shit thrills. Oh, c'est, il a donné le titre et tout. Thank you, George Crooner. Bastien, mon bichon, est-ce que tu as trouvé? Alors oui, là je suis quasiment sûr de moi et je pense que c'est Sia. Et c'est une bonne réponse. Oh là là, Adèle, Sia, ils te permettent toutes les deux et George Crooner de repartir avec l'iPhone 7. Génial, génial, génial. Merci à tous, c'est super. Je suis très heureux et je vais même te dire mieux. L'iPhone 7, il fait partie d'un pack brossard. Et vraiment, je voudrais les remercier parce qu'on leur a rien demandé, ils nous font ce beau cadeau. Tu pars non seulement avec un iPhone 7, mais aussi un séjour à Paris pour assister au concert privé The Big Brownie Party. Big Brownie Party. Comment vous dites, George Crooner? Génial. Big Brownie Party. Merci à vous. C'est le 18 novembre prochain, donc tu seras avec nous. Il y a un artiste Virgin Radio qui fera un concert privé et en plus, tu auras l'iPhone 7. D'accord, poteau? C'est super, merci à tous, merci Brossard. Vous êtes géniaux, je suis super content. Eh ben je suis très content. Bon Bastien, je t'embrasse, bisous à toi. 6h48, on écoute The Avener, Fade Outlines, excellent réveil. Courage, c'est vendredi, c'est Virgin Radio. Pop, rock, électro. It's everywhere I look, from Las Vegas to right here. Under your dresser, right by your ear. It's creeping in sweetly, it's definitely here. There's nothing more deadly than a slow-growing fear. Life was full and fruitful and you could take a real bite. The juice pouring well over your skin's delight. The shadow it grows and takes the depth away. Leaving broken down pieces to this priceless valley. The shallower it grows, the shallower it grows. The fainter we go into the fade-out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the deeper down. If we build all those bridges, don't watch them thin down to dust, or blow them voluntarily out of constant trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in frost. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. Heading deep down, we're sliding without noticing our own decline. Heading deep down, we're hanging on to sweet nothing's left behind. Deeper down. Voluntarily I come to trust. The clock is ticking, it's last couple of clocks, and there won't be a party with the weather in front. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out line. We are all plunging straight towards our own decline. Without noticing, we slide down, deeper down. The shadow grows without ever slowing down. We we are hidden stripped into the fade out deeper down. C'est le pop rock électro que vous aimez. Je vous souhaite un très très bon vendredi. Soyez les bienvenus sur Virgin Radio, 6h51. À cette heure-ci, vous êtes peut-être déjà à voiture. D'autres sont encore à la maison, en train de préparer le petit-déj. Quoi qu'il arrive, on a ce qu'il faut pour vous aider à ouvrir les yeux. Un loyer à vous offrir à 7h20. Loyer au 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. Et The Chainsmokers, Smokers, voilà ce qui arrive pour le pop rock électro. C'est pas simple à dire avant 7h. Chainsmokers, reveal after me. Chainsmokers. On revient dans un instant. Excellent réveil à vous. Le carburant à prix coûtant. Eh ben oui, chez U jusqu'à demain, le carburant est à prix coûtant. Alors vous prenez votre voiture, vous foncez chez U et vous faites le plein d'économie. Eh ben oui, on peut dire qu'avec le carburant à prix coûtant chez U, vous êtes le roi du pétrole. Le roi du pétrole. Le carburant à prix coûtant, c'est jusqu'au 24 septembre. Liste du magasin U participant sur magasinu.com. Les nouveaux commerçants. L'énergie est notre avenir, économisons là. Ah ben ça alors, je ressens plus rien. Et là? Rien non plus. Et si vous passez la main, là? Ben non, rien. Insistez, prenez le temps. Non, non, rien. Bien, très bien. C'est parce qu'elle est bien posée. Il ne suffit pas de choisir une belle fenêtre, il faut qu'elle soit bien posée, sinon... Ben, sinon, ça sert à rien. Eh oui. Voilà pourquoi toutes les fenêtres cas par cas sont installées, contrôlées et garanties par cas par cas. Parce qu'on ne change pas de fenêtre tous les jours. Fenêtre, volet, porte, cas par cas. Nous faisons grand cas de votre confiance. Micheline, votre réponse pour le jackpot. La mer Noire. Essaye. C'est gagné. L'alerte discount. Je dois filer. Aujourd'hui, les deux rôtis de porc et poule sans os origine France sont à 2,99€ le kilo chez Netto. 2,99€ le kilo. L'alerte discount fait toujours des euros. Netto, le discounter qui fait la différence. 2 kilos environ. La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, déco, linge de lit, toutes les nouvelles tendances sont là pour toute la famille à des prix irrésistibles. En ce moment, je bénéficie de prix incroyables à moins 40% sur des milliers de produits mode et maison de la collection automne. Livraison offerte en relais colis et à domicile sans minimum d'achat et retour gratuit. Voir conditions sur laredoute.fr. Le prix direct, c'est jusqu'à dimanche et c'est chez Intermarché. Marché. Pour l'achat d'un kilo de moule, de bouchon ou de Hollande, le deuxième kilo est offert. Oui, le deuxième kilo est offert. C'est ça le prix direct qui assomme la concurrence. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Moule de bouchon élevé en France ou moule de Hollande élevé aux Pays-Bas, selon un provisionnement en magasin. Nouveauté. Virgin Radio. Moi, sans vous, qui sommes unis à vie pour le meilleur et le bonheur. Quelqu'un ici, un autre ailleurs. Quelle est ma vie? J'ai besoin d'amour comme tout le monde. J'ai besoin d'aimer pour survivre. J'ai besoin d'amour comme tout le monde. Comme tout le monde. Parce qu'on est rien. On est rien. 7h, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Vous réveillez peut-être tout juste, vous êtes au petit-déj sous la douche, d'autres sont déjà en voiture. Prudence en tout cas, bientôt 7h, bientôt un point complet sur l'actu comme on le fait tous les matins. Et puis 7h05, ça y est, première question de ouf. Enfin, on va entendre tous vos messages sur notre répondeur, Clément. Et ce matin, on vous a demandé quelle est la phrase type de parent que vous sortez 50 fois par jour. On écoutera toutes les réponses. On aura celle de Laure aussi dans un instant, bien sûr. Et je voudrais qu'on parle de Laure. On parle beaucoup de couple hein, ce matin. Je sais pas, c'est vendredi, on a envie de parler de couple, mais Laure, elle vient de recevoir, les amis. Je crois que c'est le texto, mais c'est Canard 2000. Oh non, arrête, c'est mignon. Je crois qu'on n'a jamais eu, un moment aussi canard de toute notre vie. Vous êtes bien sur Radio Canard. Oh, non. C'est Radio Canard. Parce que, alors, ton mec Juju, qu'on aime beaucoup, qui est adorable, il t'envoie des textos tout le matin. Oui. Ça peut arriver, c'est normal, ils sont très proches. Mais est-ce que tu peux nous lire? Parce qu'elle me l'a fait lire, et franchement, c'est incroyable. La teneur du texto de ce matin, Clément. Il faut l'or le lire avec les trois petits points, parce qu'il met du suspense dedans. C'est ça que j'adore. Écoutez ça, et dites-moi vraiment, allez-y sur les réseaux, réagissez. Dites-moi si le mec de l'or est un canard ou pas. Juju, peut-être qu'il est en train de nous écouter. Frère, t'es canard WC. T'es le roi des canards. Les romantiques. Mon amour, quand tu rentres à la maison tout à l'heure, pourrais-tu, s'il te plaît, t'occuper de toi? Non, mais un, deux, trois petits points. Trois petits points, je gère le dîner. Bon courage, je t'aime. Non, mais il a écrit, est-ce que tu voudrais pas, s'il te plaît, t'occuper de toi? Tout simplement. Mais quel ringard. Mais c'est magnifique, non, mais toutes les filles rêvent de ça. J'avoue, mais je peux pas te donner tort, ma chérie. Je trouve ça beau, parce que moi, je suis sûr, ma chérie, elle serait très contente que j'écrive ça. Mais c'est canard. Mais on s'aime. Okay, bon. C'est énorme parce qu'effectivement dans le studio on est partagé. Nous on est là en mode ah le canard et toutes les filles ont fait c'est mignon. Elles ont fait ça en même temps. C'est quoi le dernier moment mignon que t'as connu, ma Pauline? Tiens, vraiment, hein, couple ou hors couple, on connaît un peu, enfin on connaît pas encore ton mec, mais vu l'âge qu'il a, on se doute que ce sera hors couple. Non, c'est ma meilleure amie. En fait, elle m'a offert un pull où il y a marqué best et elle a friends. Et donc quand on est à côté, ça fait best friends. On le c'est met. Mignon. En... Oh, c'est mignon. Bande, on dit c'est mignon après chaque phrase. Vous savez quoi? Vous tous aussi qui êtes au standard, on va faire plus que des moments c'est mignon. C'est mignon. Clément, tu voudrais pas me raconter un moment tout mignon? J'ai un moment mignon, ça arrive pas tous les jours, mais souvent. En fait, donc je me gare en bas de chez moi en scooter. Et souvent, quand je pars le matin, vers 5h, il y a le même petit chat et il se rapproche de moi. Donc il vient me dire bonjour avant de partir, un chat sauvage. C'est mignon. C'est mignon. Oh, j'ai envie de pleurer. Il sait à quelle heure je pars, il vient me saluer, genre salut. Un petit chat que tu connais pas? Il est dans le quartier, quoi. Il vient me dire bonjour. C'est mignon. C'est trop mignon. C'est mignon. Mais après, je vais dessus. Non, c'est pas vrai. On va demander une fille. Tiens, Aurélie, ça va Aurélie? Oui, bonjour Camille. Oui, ça va très bien. Merci d'être là, ma belle. Tu viens d'où? Amiens. Damien, est-ce que dernièrement il s'est passé un truc trop mignon? Amiens, tu nous racontes un truc et on voit si c'est mignon ou pas. Eh bien oui, en fait, ma grand-mère vient de se mettre sur Facebook. Elle a 85 ans. Elle a juste 7 amis pour l'instant et elle a voulu qu'on fasse un selfie de nous deux. Donc en photo de profil, il y a juste nous deux en photo et voilà. Oh, c'est mignon! On peut pas dire c'est mignon, on est obligé de faire. Faut se dégonfler avant. Avant, il faut se dégonfler. Une fois qu'on est dégonflé, mais c'est mignon. C'est mignon, hein. C'est trop mignon. Bah oui, c'est ma mamie. Bah ouais, franchement. Oui, mais ça va. Ça va, juste tu dis mamie. C'est mignon. En fait, y a même plus besoin de dire c'est mignon, faut faire juste. Tu fais des phrases et suffit, la réaction c'est toujours la même. Les filles. Devinez quoi? Pierre, il m'a demandé en mariage. Il n'y avait pas besoin, c'est incroyable. Oui, Clément. J'essaie avec une phrase moins romantique. Hier, j'ai fait un McDo. Ça marche bien. Et ça marche. Et si vous tirez la boule noire à Motus? Ça marche aussi. Merci ma belle d'être avec nous, Aurélie. Il va se passer encore plein de choses dans l'émission, les amis. Le pop rock électro, vous aimez The Chainsmokers? On vous a préparé plein de trucs. Rassurez-vous, ici à la radio, c'est comme à la maison. Laure ne s'occupe que d'elle. On s'occupe d'où du reste? 7h01, c'est les infos qui arrivent. Le Virgin Tonic, c'est en direct avec vous tous les matins. Radio. Your radio. Electro. Les Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, du grand beau temps pour aujourd'hui, pour demain sur tout le pays, du soleil pour tout le monde, des températures agréables, 21 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 23 à Paris, 24 à Lyon, 26 à Nîmes et la pluie qui va traverser le pays dimanche sur la plupart des régions. La réouverture aujourd'hui de la faculté de droit de Rouen, elle avait fermé ses portes mercredi après le signalement d'un individu au comportement suspect. L'homme fiché S a été arrêté, placé en garde à vue, un converti à l'islam radicalisé et déjà connu des services de police. C'est le 12e homicide depuis le début de l'année en Corse. Un homme de 35 ans a été abattu cette nuit dans un village de Haute-Corse au sud de Bastia. Il était au volant de sa voiture lorsqu'il a reçu des tirs de fusil d'assaut. La victime était liée au grand banditisme. Jérôme Kerviel va-t-il devoir rembourser la Société Générale près de 5 milliards d'euros que l'ancien trader serait évidemment dans l'impossibilité de régler? La cour d'appel de Versailles doit se prononcer en début d'après-midi. L'enjeu pour la banque est surtout, avant tout même fiscal, car elle avait perçu une aide de plus de 2 milliards d'euros de l'État en 2009 et 2010. La signature d'un gros contrat pour la France aujourd'hui en Inde, la démocratie la plus peuplée du monde, va se porter acquéreur de 36 avions de chasse Rafale, une commande à près de 8 milliards d'euros. Le divorce se précise entre le Royaume-Uni et l'Union européenne. Londres indique qu'il compte activer l'article 50 dès le début de l'année prochaine. Les négociations pourraient ensuite durer jusqu'en 2019. Londres entend reprendre le contrôle de sa politique d'immigration. C'est le vendredi de tous les dangers au Gabon. La Cour constitutionnelle doit dire aujourd'hui si elle valide ou rejette les résultats de la présidentielle du 27 août. Craignant de nouvelles émeutes, la population s'est déjà ruée dans les commerces pour faire des stocks. Le couvre-feu décrété cette nuit à Charlotte, aux États-Unis, la ville était encore le théâtre de nouveaux affrontements hier soir. Et puis, n'hésitez pas à modifier vos codes d'accès si vous avez une adresse mail chez Yahoo. 500 millions de comptes ont été piratés. Les hackers ont volé les mots de passe et date de naissance des inscrits. Le match avancé de la 7e journée de Ligue 1, le Toulouse Football Club va recevoir le Paris Saint-Germain ce soir à 20h45. Une journée qui reprendra demain avec Lorient-Lyon dès 17h, suivi de Dijon-Rennes, Bordeaux-Caen ou encore Monaco-Angers dans la soirée. Nice, le leader, jouera dimanche à Nancy. Marseille recevra Nantes en match de clôture. Et puis du basket, le coup d'envoi de la nouvelle saison de proie. Ça débute avec le Portel Nanterre ce soir à 20h, Paris-Levallois-Nancy 20h30. Les deux grands favoris, l'Asvel et Monaco, seront face à face demain à partir de 18h30. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Pour se réveiller, eh oui, sur Virgin Radio, c'est Camille Combal. Virgin Tonic, Virgin Tonic, Virgin Tonic. Je vous souhaite un excellent réveil à vous tous les amis, 7h04, soyez les bienvenus sur Virgin Radio. Vous qui êtes déjà en voiture, je le sais nombreux, soyez prudents, d'autres sont encore sous la douche, on est là avec vous. Courage, courage, courage les amis. Je sais qu'il y a plein de filles là qui en sont à la... Alors 9e tentative de brushing et qui finalement font une queue de cheval bien tirée. Voilà. Et ça passe. 7h04 les amis, je vous disais qu'on allait vous faire plein de choses. Déjà, je vais vous donner une info de dingue. Un des sex symboles dans le monde, c'est marié. Je vais vous dire qui. En secret, dans un instant. Là, je l'ai là, l'info, je l'ai là, le temps de vous rappeler qu'on va avoir la question de ouf, qu'on va avoir The Chainsmokers qui arrive aussi dans un instant. Et de vous rappeler qu'en vous inscrivant sur Facebook, là c'est un peu tard, sinon c'est que vous êtes réveillé, c'est idiot ce que je dis. On a lancé hier, vous êtes très nombreux à nous avoir dit je me réveille à telle heure avec le réveil. Appelez-moi et réveillez-moi vous en direct. On va essayer trop ça bien. Dans un instant, dans quelques minutes à peine. C'est idiot ce que je vous dis. Si vous inscrivez maintenant, c'est que vous êtes déjà réveillé. Oui. C'est un peu bête. Donc voilà, ceux qui se sont inscrits hier, en tout cas, on va essayer de vous rappeler en direct. Avoir votre voix, la vraie voix du matin. On va entendre tout ça en direct. Et pour le moment, donc, qui est-ce qui s'est marié en secret? Un sex symbole, t'as dit. Un sex symbole. Ouais. Alain Juppé? Non. Français ou international? International. Ryan Gosling. Oh. Non. Oh. Et ouais. Un des plus bels hommes au monde. Il s'est marié en secret avec une des plus belles femmes au monde aussi. Eva Mendes. Quelques jours après la rupture de Brad Pitt et Angelina, le couple, ensemble depuis 5 ans quand même, hein, quoi, un enfant aussi ensemble. Voilà, Ryan Gosling. Vous gagnez Brad Pitt, vous perdez Ryan Gosling, les filles. Oui. Ça peut pas être win-win hein, dans la vie à un moment donné. Nico Dubureau, qui a l'air très très très déçu par cette nouvelle. Ouais, non mais en fait, je sais reconnaître les beaux mecs, j'avoue. Et je trouve que Ryan Gosling, il a rien de spécial. Je suis désolé. Brad Pitt, il est classe. Ryan Gosling, c'est juste parce qu'il a mis une petite allumette dans la bouche dans Drive. C'est juste ça. Eh ben, je suis pas d'accord. Vous voyez, c'est là que vous faites une erreur. Si je peux donner mon avis, alors évidemment, il est devenu sex symbole avec un film Drive. Je sais pas si vous l'avez vu ou pas. Oui, bien sûr. Mais c'est un film, voilà, où ça parle très peu ou quoi. Eh ben, je vais vous dire un truc. C'est beaucoup plus dur de bien jouer quand il n'y a pas de dialogue que quand il y a énormément de dialogue. C'est plus dur de dire, ah là là, qu'est-ce qu'il est bon quand on fait drive et qu'on est que dans le regard et tout, que quand on fait la vérité si je mens ou on crie machin, et de dire, ah bah il est bon, il est marrant. Faites-moi confiance. Et de demander à quelqu'un qui a jamais pris un compte théâtre. Oui, Laure. Non, mais c'est un super bon acteur. Moi, je l'adore en tant qu'acteur, mais je trouve... Vous dites qu'il a rien. C'est un grand acteur. Non, mais en tant que sexe symbole, quoi. En tant que mec qui plaît aux filles, moi, il me plaît pas une seconde. D'accord. Et ben, ça tombe bien parce que lui, il est pas chaud sur toi. Bravo, j'ai les infos. Il est pas bouillasse sur toi, Laure. Il est assez pédard avec Eva Mendes, je crois. Oui, Clément. Il a réussi à avoir Eva Mendes. Respect à vie pour lui. Exactement. C'est vraiment une. C'est aller dans le top 5. Alors, elle est magnifique. Pauline au standard. Moi, je me marierai jamais en secret. C'est nul. L'intérêt, c'est que tout le monde le sache, que tu mettes des photos sur Facebook, que t'aies toutes tes copines qui t'envient. Je vois pas du tout l'intérêt. Eux, c'est pour les photographes. Bah oui, mais parce qu'ils sont, très très connus. Je suis d'accord avec toi. Moi, je me marie en secret. Ma mère, elle me parle plus jamais. C'est ça. Ah non, non, je suis d'accord. Mais bon, lui, il est très très connu. Laure. Moi, je me marierais bien en secret. Je trouve ça romantique. Bah si ça veut dire qu'on n'est pas invité. Ouais, c'est ça. Je sais pas qu'on peut être pour. Il est quand ce mariage? Écoute, on a décalé parce qu'il y a de la famille qui doit venir. Non mais on devait le faire en Corse, finalement on peut plus le faire en Corse. Donc il a fallu qu'on trouve un autre endroit, on a décalé, on n'a pas encore la date exacte. Mais ça va mais pas on y sera. Mais bien sûr que vous y serez. Ah, moi je veux être au premier rang. Bah évidemment que tu seras là. Ah non, mais je veux être à fond. Mais je me marierai pas sans vous, ça va pas. Ah, on va le faire. On va faire un truc. Tu veux être le parrain de l'enfant aussi? Bah il a quand même 13 ans. Si, je te rappelle que ta fille elle est en 3ème. Le prochain avec plaisir. 7h07 les amis, Chet Smokers qui arrive tout de suite. C'est la question de ouf. Question de ouf. On est content, c'est vendredi, on est tellement heureux d'être là avec vous. Mais alors on parle, on n'arrête pas de se mettre en retard. Clément, la question de ouf. Ce matin on vous a demandé quelles étaient les phrases types de parents, celles que vous entendez 20 fois par jour vous les enfants. La phrase type de parents c'est, tu sais, nous quand on était jeunes, on n'avait pas tout ce que t'as maintenant. Si seulement tu connaissais aussi bien tes devoirs que la télé, tu serais premier de la classe. On sera au château de Versailles, si éteins la lumière. File dans ta chambre, ouais. Et quand tu seras calmé, tu pourras sortir. Et si ton copain saute de la fenêtre, toi aussi tu vas sauter? La phrase que je peux répéter 50 fois à mon fils de 3 ans, c'est « Arrête de te mettre les doigts dans le nez, tu vas avoir un nez comme une patate ». Écoute, tant que tu vivras dans ma maison, c'est moi qui décide. Par contre, si tu veux faire un ménage, c'est chez toi aussi. Si t'as faim, mange ta main et garde l'autre pour demain. J'en ai marre de répéter 100 fois la même chose. Ne me force pas à me lever, sinon ça va barder. Attention, je compte jusqu'à 3 et c'est la fessée. 1, 2, 2,5, 2 3/4. Oui, bah mes parents me disaient toujours, si t'es pas sage, eh ben tu vas aller en pension. J'ai mis très longtemps à comprendre qu'ils n'avaient pas les moyens de me mettre en pension. Question de ouf. Formidable. Franchement, il y en a plein que j'ai retrouvé, les amis. The Chainsmokers, Don't Let Me Down. Excellent réveil à vous tous. Courage, c'est vendredi, 7h09. Hey guys, we are the Chainsmokers on Virgin Tonic. Hit a wall right now. I need a miracle. Hurry up now. I need a miracle. Stranded, reaching out. I call your name, but you're not around. I say your name, but you're not around. Don't let me down. à vous tous les amis, merci d'être avec nous, c'est le Virgin Tonic. Virgin Tonic. 7h11, et alors les copains, vraiment je vous souhaite un bon courage parce que vendredi, aujourd'hui, le 23 septembre, oui. Je sais que le vendredi c'est encore plus dur d'ouvrir les yeux, passer sous la douche, partir travailler, monter dans la voiture, et ben nous on est là à vos côtés, je peux vous dire qu'on va encore prendre deux fois plus soin de vous ce vendredi, commencez à vous mettre dans l'ambiance week-end, vous dire ce que vous allez faire avec vos potes, avec votre chérie, avec vos enfants, et vous verrez, la journée, elle passera beaucoup mieux. Alors je vous souhaite bon réveil, mais on a décidé maintenant qu'on allait vraiment vous réveiller. Oui, c'est bien beau la radio de dire hey, bonjour tout le monde, bon réveil, courage et tout ça. Mais on s'est dit pourquoi est-ce qu'on vous réveillerait pas en direct, vraiment. C'est-à-dire vous inscrivez la veille sur le Facebook, vous nous dites moi Camille mon réveil il est par exemple je suis n'importe quoi à 7h15 et donc moi je vous appelle 2-3 minutes avant 7h12 et on vous réveille vraiment en direct. C'est okay. Bien. Déjà on vous appelle toutes les heures, vous le savez puisqu'on paye votre loyer encore dans quelques minutes à 7h20. Loyer au 7-12-13 pour vous inscrire. Là c'est pas pour le loyer, c'est juste pour vous réveiller tranquillement. Ah quelle horreur. When I wake up in the morning. Celui-là il est dur. Parce que je sais que même nous, si vous vous réveillez avec votre réveil sur Virgin, vous nous snoozez. Ouais. C'est-à-dire on est en train de parler. Et on reprend dans le s'il te plaît. Si vous avez envie d'encore dormir. Ah, ça c'est celui de Willou la Carouche. Le mec de Pauline, il doit avoir ce réveil là. Oui, Laure. Tu crois que l'auditeur il va pouvoir nous snoozer ou pas en direct? L'auditeur il va nous appeler, il va dire foutez-moi la paix. On vous rappelle, c'est parti. Alors on a quelques personnes. On a franchement des centaines de gens qui voudraient qu'on les réveille. Ouais. On appelle, les amis, on appelle vraiment personne. On appelle en direct. On vous réveille. Peut-être que ça va sonner dans le vide. Peut-être qu'on va se faire envoyer sur Mars. J'adore. Sabrina. Oui, allô? Allô? Oui. Allô? Allô? Oui, allô? C'est le réveil. Ah oui, vous réveillez. Je réveille, c'est ça, salut. Je veux dire un truc, parce que c'est normal, vous passez, vous jouez avec nous le matin, vous nous appelez au 3916, on se réveille tous ensemble le matin. Mais on sait que quand vous nous appelez, il y a eu deux secondes dans la douche de bah. Là, c'est la vraie voix du réveil, c'est vraiment ça qui... Ça va, c'est Sabrina, hein. Oui, c'est ça, ça va, tout le monde va bien. Ça va, oui. Ma chérie, ça va, tu t'ouvres tout juste les yeux. Oui, voilà, il y a 2 minutes, même pas. Oh là là, ma belle, tu nous as laissé ton numéro hier, on avait dit qu'on essaierait de te rappeler en direct, tu nous as dit que tu te réveillais aux alentours des 7h15. La journée va être belle, ma belle. Mais voilà, c'est super, c'est génial. T'es contente, ben, ça nous fait plaisir, Clément. Moi, je veux une femme qui se réveille de cette humeur-là le matin, c'est extraordinaire. Bah moi. Bah ouais, bah... C'est ça. Non mais je sais pas l'heure, mais moi ma chérie elle se réveille, franchement elle se réveille plutôt de bonne humeur. Moi je suis de toujours très bonne humeur le matin. Franchement, attention, on appelle ma Sabrina, je te fais des bisous hein. Merci beaucoup. Ben, merci à toi ma chérie, attention on appelle une deuxième personne. Priscilla. On va lui mettre le réveil. Ça décroche. On va être de moins bonne humeur je suis sûr. Ça sonne en tout cas. Et c'est le principe de... Allô? Dur. Aïe. Allô Priscilla? Oui. C'est le réveil. Oh. Ah là on la réveille c'est vraiment dur. Je crois. Allô? Oui. Ça va? Ça va, ça va. Ouais. Ah, alors, c'est deux réveils, deux ambiances. Il y a une seconde, on était avec Sabrina en mode ah, les kiffs, trop cool, bisous, bisous, belle journée, tout le monde. Et là, on a. Ouais, je me suis inscrit hier, je fais une belle connerie. Okay. C'est vrai, hier à 18h, j'ai laissé un message sur le Facebook parce que je vous aime bien, je me réveille avec vous. Ben, je me dis que j'ai fait une belle connerie. Ça va, les cons? Tu sens qu'il n'y a aucun recul sur Priscilla. Priscilla, t'es sur Virgin Radio, ma belle? Oui, merci. Merci. Ça va, tu te réveilles doucement? Oui, oui. Ça va. Pour la journée. T'es à l'école, t'es au travail? Non, je suis au travail. Bah écoute, ma belle, bah, bon courage pour ta journée et bah écoute, prends ta douche tranquillement, tout va bien se passer, d'accord? Ouais, merci d'avoir appelé. Bah, merci à nous. On est réveillés. On veut le faire réellement maintenant. Oui. On veut vraiment réveiller les gens. Mais je trouve ça génial. Après, c'est normal. Et bisous à ma petite Priscilla. C'est normal. Vous imaginez la Priscilla, elle ouvre les yeux avec vous. Ouais. Elle ouvre les yeux. Et c'est normal d'avoir voilà, le caractère. On sait pas bien où on est. On est tout ça. On capte pas forcément bien non plus. On est dans la chambre. Mais je trouve ça bien. Ouais. C'est, on peut pas être plus naturel qu'à ce moment-là. Oui, Pauline. Là, on sentait que le téléphone et elle étaient encore sous la couette. Hein. Ouais, on sent qu'il a été tiré de la table basse. Et... Oh là là. Clément, et on ça faire... fait quoi de rêver une femme? Ah ben, bah, je suis très heureux. Et on peut faire une très bonne vanne la semaine prochaine. C'est que vous vous inscrivez, par exemple, pour 7h15 et on vous appelle à 6h. Non, non, non, on vient à peu près les horaires. C'est le principe. Restez avec nous sur Virgin Radio. Clément, c'est la première fois qu'il réveille une femme, il veut déjà lui faire une blague. Charlie Pousse, Selena Gomez. We don't talk anymore. Voilà ce qu'on va écouter. Et puis votre foyer, je vous l'ai dit, c'est à gagner dans 2 minutes à peine. Merci d'être avec nous le matin. C'est le Virgin Tonic. Intersport. Chérie, je me suis offert 3 pantalons effet ventre plat chez Intersport, alors cette semaine t'es tranquille. Ah ce bon soir, pantalon 3 Carrie Fitness, demain, Jazz Pant et Danse avec Caro, ah ouais, et vendredi, caleçon long, corde à sauter. Mais on se voit quand? T'as un caleçon effet ventre plat, toi? Voilà. Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les pantalons Energetics effet ventre plat 3 coupes au choix sont à partir de 19,99€. Intersport, le sport commence ici! Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Air France. France. La France. Is in the air. Je suis un poème d'Hugo. Tu es une chanson de crooner. Je suis le raisin. Tu es la pomme. Je suis une blanquette de veau. Tu es un hot dog. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez New York au départ de Paris à partir de 518€ aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarif, offre et de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Le magique anniversaire continue chez But. Et en ce moment, le plus magique, c'est moins 20% sur le netbook Polaroid 14 pouces. Oui, 159,99€ au lieu de 199,99€ avec 100Go de stockage OneDrive offert pendant 2 ans. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Voir conditions en magasin ou sur but.fr. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah, je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20Go est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€ ? Oui, mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. Le mois Carrefour. Pendant le mois Carrefour, il y a des promos renversantes. Ah, il y en a dans tous les sens. Et aujourd'hui, par exemple, pour l'achat d'un lot de 3 bidons de lessive liquide Ariel, on bénéficie de 80% de son prix en bon d'achat. Alors accroche-toi, ça va secouer. Avec le mois Carrefour, vivez une expérience renversante. Jusqu'à vendredi, retrouvez chaque jour des produits de marque avec 80% de leur prix offert en bon d'achat. Lot de 3 bidons de 23 lavages, différentes variétés. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Dans la limite des stocks disponibles. Produits concernés et modalités sur carrefour.fr. Carrefour. Avec les affaires Bricoman, le mitigeur évier Ideal Steel chromé de marque Ideal Standard avec limiteur température garantie 5 ans est à seulement 70€ au lieu de 79. Offre valable du 23 septembre au 4 octobre 2016. Plus d'infos sur bricoman.fr. Bénéficiez d'avantages exclusif spécial pro avec la carte Premium Pro disponible en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Au moins de 2 minutes. Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Et encore une très belle journée aujourd'hui sur l'ensemble du pays. De belles éclaircies sur les régions du Nord, du soleil sur la moitié sud et en particulier sur la Nouvelle-Aquitaine et sur l'Occitanie. Le mercure, vous aurez 17 degrés cet après-midi au Mont-Saint-Michel, 18 à Deauville, 19 à Lille et à Brest, 21 attendu à Compiègne, Strasbourg, Colmar et Chambéry, 22 pour Montélimar, 23 degrés à Paris, Rennes, Nantes, Limoges, Marseille et Nice, 24 à Lyon ainsi qu'en Corse, 25 à Bordeaux et la maximale 26 du côté de Montpellier. Très bon réveil. Mathieu Croissando, directeur de la rédaction de l'Obs. Cette semaine dans l'Obs, inégalité, ça va craquer. Les meilleurs économistes de la planète dénoncent l'aveuglement des élites qui mettent nos démocraties en danger. À lire aussi dans cet Obs renouvelé et enrichi, la confession exclusive du maître espion John Le Carré. L'Obs, éclairer, débattre, combattre, c'est chaque semaine dans les kiosques et chaque jour sur le web. Famille, au 71 777, vous rêvez d'un enfant, votre petit bébé, envoyez famille, FAMI, 2LE, au 71 777. 65 centimes, plus prix d'un SMS, Telcopass. Présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, The Avener, Charlie Puth, Julian Peretta, Jonas Blue. Virgin Tonic, c'est la compilation. I can't stop the... Envoyez Justin, J-U-S-T-I-N, au 88 000. Accédez au catalogue et téléchargez Can't Stop the Feeling en sonnerie. Justin au 88 000, le tube de l'été sur votre mobile. Abonnement 3 € par semaine, DGP. Virgin Radio. Virgin Radio. La web radio 100% rock. Virgin Radio Rock. It's my station. L'une des nombreuses web radios à retrouver sur l'appli et sur virginradio.fr. Paye votre loyer sur Virgin Radio. Eh oui, c'est sur Virgin Radio. C'est en direct chaque matin. Et puis, c'est vraiment le meilleur moyen de vous donner le sourire. Même le vendredi, quand c'est un peu plus difficile, eh ben, vous pouvez compter sur nous. 6h20, 7h20 et 8h20. On paye votre loyer. Vous qui êtes peut-être pas encore très réveillé, qui vous comprenez pas pourquoi le jus d'orange coule pas, ben, parce que vous n'avez pas enlevé le bouchon. Eh oui. C'est voilà. On est là pour vous, les amis. On a un peu de retard et je m'excuse. 7h22, on tire au sort parmi tous les loyers. Parmi tous les SMS, pardon. Hein. Loyer au 7, 12, 13 avec votre numéro de téléphone. Tirage au sort. On en garde un. On le rappelle en direct. Je vous demande quelle est la seule radio qui paye votre loyer. Si vous me dites Virgin Radio, c'est gagné. Vous rejoignez. Vous rejoignez. Vous rejoignez Lara, pardon. Ouais, allô. Ouais, allô. Oui. Salut, ça va, vieille branche? Oui. Comment tu vas? Ça va. C'est quoi ton prénom, mon pote? Mika. Mika. Quelle est la seule radio qui paye ton loyer? C'est Virgin Radio. Eh oui. Bravo mon Mika. Tu fais quoi dans la vie, poteau? Je suis charpentier. Charpentier. T'as déjà au boulot alors? C'est ça. Courage à c'est toi. Ça, c'est ça. Sois prudent mon pote, charpentier, les toits et tout. Imaginez la galère. Surtout quand il pleut. Bah ouais, parce qu'il n'y a pas encore le toit. Bah oui, non, mais c'est pour ça, mais c'est pas une blague, hein. C'est vrai que c'est galère. C'est le principe du charpentier. Ouais, exactement. Et ouais, et puis l'hiver. J'ai dû me mettre dans le bureau de mon patron. Oh là là là. Bah ouais, non, en plus, ouais, l'hiver et tout, c'est une vraie galère. Mon poteau, Mika, je suis ravi, alors vraiment content de t'avoir au téléphone. Tu viens d'où? De Bordeaux. Oh là là là là. Tu connais Willou la cartouche? Non. Eh ben c'est le mec de Pauline, on l'embrasse. Mais il est à Paris ce week-end, il est monté la voir. Willou la cartouche, hein. 10 ans d'écart avec Pauline. Et là il a une deuxième jeunesse. Eh hein. Oui. Oh là là là là. Là il a ressorti le blouson en cuir à franges là. Et là, attention, il a une deuxième jeunesse avec la Pauline du standard, oui. Mais tu sais que là il s'est acheté un barbour. Un quoi? Tu sais, c'est les manteaux un peu de chasseurs là, qui sont forts avec le col en velours côtelé, c'est magnifique. Un barbour? Ouais, ouais. Tu connaissais pas? C'est très beau, tout le monde. Je connais pas, mais je vois la tête de l'or et. C'est très j'ai beau. J'ai une idée du. On n'a pas dû en voir beaucoup à la Fashion Week cette année, quoi. J'imagine. Mika, tu m'as répondu? Oui, la seule radio, oui. Virgin Radio. Je vais te faire un chèque de combien, Mika? 1260. Eh ben ça veut dire que là, depuis ce matin, déjà, grâce à Mika, grâce à Lara il y a une heure, on a déjà payé pour 1 800 € de loyer. On te fait le chèque et tu le dépenses comme tu veux, mon pote, d'accord? D'accord. Je t'embrasse, mon poteau, embrasse ton patron si tu squattes son bureau. Et courage à toi pour cette journée. Courage à vous tous qui m'écoutez là maintenant sur Virgin Radio, qui êtes peut-être déjà au travail, peut-être encore sur la route. Il reste un loyer à gagner. C'est dans une heure, c'est en exclu sur Virgin Radio. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Le temps d'écouter Charlie Puth, We Don't Talk Anymore. Excellent réveil à tous. Hey, this is Charlie Puth on Virgin Tonic. We don't talk anymore. Tonic. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? Ooh, we don't talk anymore like we used to do. I just heard you found the one you've been looking. You've been looking for. I wish I would have known that wasn't me. Cause even after all this time, I still wonder. Why can't move on? Just the way you did so easily. Don't wanna know what kind of dress you're wearing tonight. If he's holding on to you so tight, the way I did before. I overdosed. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. I just hope you're lying next to somebody and knows how to love you like me. It must be a good reason that you're gone. Every now and then I think you might want to come show up at your door, but I'm just too afraid that I'll be wrong. Don't wanna know if you're looking into her eyes, if she's holding on to you so tight the way I did before. I overdosed, should've known your love was a game. Now I can't get you out of my frame. Oh, it's such a shame. But we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for? We don't talk anymore like we used to do. Excellent réveil à vous tous. Vous êtes dans le Virgin Tonic, 6h-9h. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Laure, Clément, la popo du standard. Tiens, ça tombe bien, je vais avoir besoin de vous. Ouais. On va jouer à une famille en or dans un instant. Le temps encore de vous souhaiter un très très bon réveil, un bon courage. Vous qui êtes déjà aussi, je le sais, en voiture, déposer les enfants à l'école pour partir au travail. Attention, j'ai besoin de la famille Virgin Tonic. Famille oui, en or. Ouais. Salut. Toute la famille Virgin Tonic va devoir essayer ce matin de me retrouver. Et c'est très sérieux, messieurs qui m'écoutez. Le top 3 des fantasmes féminins. Des c'est-à-dire, personnes ou des métiers? Non, même pas des métiers. Ce qui exciterait le plus les femmes, ce qui les ferait le plus fantasmer dans leur vie, qui peut leur arriver. Un fantasme. On parle pas de personnalité, forcément. Attention. Face à vous aujourd'hui, une nouvelle famille, bonjour. J'ai pris une dose de whisky. Bonjour. C'est la famille quoi? Élie Michel. Très bien, je vois. C'est ta famille Élie Michel? Pas de bourri, bourri. Je la pouvais plus. Ça va, vous venez d'où? J'ai pris une dose de whisky. Voilà. On l'a perdu. C'est la famille Eddie Mitchell. Alors, la famille Virgin Tonic face à la famille Eddie Mitchell. Vous êtes prêts, la famille Eddie Mitchell? Aussitôt vers l'église, j'ai couru par les voies des fidèles sous le dos. Camille n'y arrivera pas. Le top 3 des fantasmes, non. Un homme en uniforme. Un homme en uniforme. Non. Non, vraiment. Faire l'amour avec un inconnu. Oui. Oh, oui. Évidemment. Oui. Ah, c'est dans le top 3 des fantasmes des femmes. Ce que je vous dis est une vraie étude. Hein. Ça va vous instruire les hommes. Hein. Ginger. Faire l'amour en extérieur. Faire l'amour en extérieur. Eh bien non. Pauline au standard. Je sais pas, être attaché. Ouais. Bon, bah alors. C'est bon, vous êtes. Bah alors, Pauline. Ça va, oui. Mais non, mais c'est Fifty Shades of Grey, ça passe. Eh ben non. Oh. Non, non, non, il n'y a plus que Nico du bureau. Préparez-vous, la famille Eddie Mitchell. Oui. J'ai pris. À plusieurs, au final, avec deux hommes. Non, deux hommes. Eh ben non. Ah. Je vais vous donner le top 3 des fantasmes féminins. Ouais. Selon Marie-Claire, hein, c'est pas une, selon un magazine féminin. Numéro 3, le faire avec une femme. Ouais. Ouais. C'est pas faute de vous y encourager. Ouais. Numéro 2, le faire avec un inconnu dans la rue. Ouais. Bon. Numéro 1, passer à côté du plus évident, coucher avec une star. Ah bah oui. La famille Eddie Mitchell, bravo, c'est gagné. Maintenant l'amour et les relus péchés mortels. Votre père éternel. Merci. 7h30, enfin un point avec tous nos journalistes sur l'actu. Ils sont plus de 60. Restez avec nous, le pop rock électro de Synapson qui arrive aussi dans un instant. Bon réveil, c'est le Virgin Tonic à vos côtés. Virgin. Salut, moi c'est Lucas. Lucas Dubol, oui, je sais. Et Dubol, j'en ai. De quoi remplir une armoire. Hier, je démarre ma Citroën et là, le fameux message. Toi, va faire réviser ta voiture. Du coup, je prends rendez-vous sur citroën.fr et sur le site, qu'est-ce que je vois pas? Avec l'opération Soyez malin et faites le plein, plus j'entretiens ma voiture, plus on m'offre du carburant. Ça va jusqu'à 280€. Là, c'est plus du bol, c'est un bidon. Et moi, je dis merci Citroën. Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 octobre dans le réseau participant. Conditions sur citroën.fr. Virgin. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, deuxième jour de l'automne et du soleil comme s'il en pleuvait aujourd'hui sur tout le pays. Une très belle journée à venir avec de larges éclaircies sur l'ensemble des régions. Mercure à 21 degrés en moyenne cet après-midi. Du soleil encore demain, mais de la pluie pour dimanche. La fac de droit va rouvrir ses portes dès aujourd'hui à Rouen. La menace que faisait peser un homme au comportement suspect a semble-t-il été levée. L'université a été fouillée, la sécurité va être renforcée. Repéré par un étudiant, l'individu fiché S a été interpellé. La cour d'appel de Versailles va se prononcer sur l'affaire Elle va dire aujourd'hui, en début d'après-midi, si elle condamne ou non l'ancien trader à verser près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Jérôme Kerviel, dont la condamnation à 3 ans de prison ferme pour abus de confiance, pour faux et pour fraude, a été définitivement validée en cassation. Jean-Yves Le Drian est à New Delhi. Le ministre français de la Défense va y signer un gros contrat avec son homologue indien. La livraison de 36 avions de chasse Rafale à l'armée indienne de fin 2009 à 2019 à mi-2022. Bon de commande à 8 milliards d'euros. Des passagers terrifiés à bord d'un A320 de la compagnie Jetstar. Certains disent avoir entendu une explosion puis vu de la fumée dans la cabine une heure après le décollage de l'Airbus en Australie. Les pilotes ont dû couper un moteur et poser l'avion en urgence à Brisbane. 500 millions de comptes Yahoo ont été piratés. Cela ne date pas d'hier mais de fin 2014. Les hackers ont eu à cœur de dérober les noms des inscrits, leur date de naissance, leur adresse mail, mot de passe et autres numéros de téléphone. Alors si vous avez un compte Yahoo, eh bien le mieux c'est bien sûr de modifier rapidement votre code d'accès. Ce sera son premier concert dans la mythique salle parisienne The Avenir demain soir à l'Olympia avec Virgin Radio. Une date qui marquera aussi la fin de sa tournée Summer Tour 2016. Après ce concert, le DJ et producteur niçois se concentrera sur son nouvel album The Avenir au micro de Séverine Cricorien. C'est une date merveilleuse. J'aurais jamais pu penser pouvoir remplir un Olympia, même encore l'année dernière. Pour moi, c'était encore un rêve de gosse. Je suis très heureux de pouvoir jouer à Paris pour mon public parisien qui attendait une date un petit peu où j'étais headliner, où je pouvais m'exprimer tout seul. Donc beaucoup de surprises pour ce concert. À savoir beaucoup de chanteurs, de musiciens de l'album qui vont venir faire des performances surprises. J'ai qu'une hâte, c'est faire cette date et puis ensuite rentrer en studio pour préparer mon deuxième album. Et autre occasion de voir The Avenir sur scène, ce sera bien sûr à la soirée Electrochoc du 6 octobre au Zénith de Paris. Il y a encore quelques places à gagner en nous écoutant et sur virginradio.fr. Un mot de foot pour vous dire que ce soir débute la 7e journée de Ligue 1 Toulouse-PSG à 20h45. Voilà pour l'actu tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil avec nous. Bon réveil à vous tous, 7h34, c'est le Virgin Tonic à vos côtés. Chaque matin, je vous présente l'équipe. Il y a Laure. Salut. Il y a Clément. Bonjour. Il y a Pauline. Coucou. Et puis le plus important, il y a vous tous au 3916. Appelez-nous, racontez-nous tout ce que vous voulez. Venez réagir. Venez jouer avec nous aussi. Tiens, un séjour dans un instant. Parmi les 4 gagnants depuis lundi de notre grand jeu, eh ben, il va y avoir un tirage au sort parmi eux. 4 personnes là sur l'antenne. L'un d'eux repart avec un séjour à la Martinique d'une valeur de plus de 6 000 €. Je vous parle du transport. Je vous parle de l'hébergement. Je vous parle d'un hôtel 5 étoiles. Wow. Oh, lol. Je vous parle de chocolatine, de pain au chocolat le matin. Classe. Le petit punch le soir. Oui. Ah, ouais. Tout, tout, tout. Vous avez juste à ramener vos petites gueules d'ange à la Martinique et nous, on s'occupe de tous les amis. Et je vous le dis d'avance, hein, la semaine prochaine sera la Réunion. Oh, on va pas s'arrêter là, on veut faire des heureux, nous. Ah, oh là là, je suis comme un dingue. Le tirage au sort va avoir lieu dans un instant, on va faire un heureux. C'est pas tous les jours qu'on offre un voyage d'une telle valeur, les copains. Je vous envoie aussi à Las Vegas pour applaudir The Chainsmokers avant la fin de l'émission. Oh là là là, si vous avez besoin de vacances, vous écoutez la bonne radio, les copains. Don't let me down. J'espère que le réveil se passe bien à 7h35. Certains sont encore sous la douche, peut-être un peu endormis. Vous avez confondu votre parfum avec votre déodorant fleur d'hibiscus. À la vallée du Nil, bien sûr. Les copains, moi je suis heureux d'être là. On va vous faire plaisir et puis plein de choses qui arrivent. Parce que dans un instant, pourquoi pas maintenant, tiens. Allez. Pourquoi on le ferait pas maintenant, Clément, ton réponse à tout? Eh ben faisons-le, faut appuyer là. Et on, faut appuyer où? Ici, regarde. Ah ouais, ça marche, rien. Réponse à tout. Passons la réponse à tout. régie, c'est la Spalès. Des tombes au théâtre de la Dôme qui fume. Un vrai duo. Hein. Ah ouais, on est un vrai duo, les deux. Hein. Alors, c'est parti. Clément, le réponse à tout. Hein. J'explique, c'est très, très, très simple. Tu descends dans la rue, tu poses des questions, mais uniquement à des enfants entre 5 et 10 ans. Et les exactement. Réponses sont toujours très marrantes. Et ce matin, avec eux, on parle mariage. Et il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Comment il faut faire quand on veut demander quelqu'un en mariage? Bah, tu demandes est-ce que tu veux m'épouser? Bah, on dit est-ce que tu veux m'épouser? Qui c'est qui demande, la fille ou le garçon? Le garçon. Et la fille, elle dit quoi? Elle dit oui. Toujours? Non. Des fois, elle dit non? Oui. Elle dit non, pourquoi? Parce qu'elle l'aime pas. Qu'est-ce qu'il doit faire, l'homme? Bah, tu te mets à genoux. Accroupi. Tu mets à genoux à terre et tu dis, veux-tu être ma femme? Tu penses qu'il faut un endroit particulier ou pas pour demander en mariage quelqu'un? Bah, un endroit joli, quoi. Un endroit joli comme quoi, par exemple? Pas un McDo? Non, pas un McDo. Dans une église. Et y a pas un cadeau qu'on fait avec? Si. Une bague. Une bague comment? Bah, en diamant. Je sais pas. Non, un anneau. Dans une petite boîte. Dans une petite boîte? Oui. Une boîte de nuit? Non. Une boîte comment? Une boîte de conserve. Réponse à tout. Merci les enfants, prochaine réponse à tout lundi matin à la même heure, 7h35 sur Virgin Radio, bien sûr. L'équipe, vous restez là. Oui. C'est jour d'une valeur de 6 000 euros qu'on offre dans deux un instant. Je suis comme un dingue. Ah ouais, c'est énorme. Oh là là là là. Avant ça, est-ce qu'on s'écouterait pas Synapson? Oui. Ah, ouais. All in you, tout sur le noir comme au casino. C'est parti, on y va les amis. 7h37, excellent réveil à vous. Salut, c'est Synapson dans Virgin Tonic. Salut Synapson. Tonic. Talk for a reason, sing for a reason, some may say I lost my mind. Trust for a reason, fight for a reason, look around, there ain't much time to say what you wanna say, do what you wanna do, live your life all the way, hey. Change all my vision, open mind, an open heart. Just feel how you wanna feel, the deeper the real dive, just bend that wheel. C'est le Virgin Tonic à vos côtés, 8h20. Courage, courage vraiment à vous tous qui êtes peut-être déjà en voiture, d'autres sont encore à la maison, d'autres sont dans les transports, peut-être dans le bus à Limoges, sur la ligne 6, peut-être sur le point de descendre à la gare des Bénédictins. Ah, tu connais bien. Sauce qu'on sauce, ben bien sûr. Les amis, soyez les bienvenus, en tout cas on est très heureux d'être là chaque matin, 6h, 9h, avec l'équipe. Yeah. Ouais. Et puis surtout... avec, excusez-moi, les plus beaux cadeaux que vous puissiez trouver. Trouvez une radio qui a déjà offert à 7h40 depuis ce matin. un iPhone 7, 2200 euros de loyer, ouais, et dans quelques secondes, un séjour d'une valeur de 7000 euros à la Martinique. Mais attendez. Excusez-moi, ma bonne dame, trouvez une radio qui, en une heure et demie, vous a déjà fait autant de cadeaux. On va pas frimer, c'est juste qu'on a les meilleurs auditeurs de France et bah tellement oui, nombreux à avoir changé vos habitudes, à avoir changé de radio pour venir nous écouter le matin, que vous les méritez ces cadeaux. C'est bah bien sûr, on est content de vous les offrir. Comment est-ce qu'on vous les offre? C'est très simple. Tous les matins, depuis lundi, on a eu une personne au téléphone. Si elle gagnait le jeu, elle gagnait non seulement, je vous le dis, hein, toutes les personnes qu'on va voir là, quoi qu'il arrive, ont déjà gagné un casque audio Sennheiser d'une valeur de 350 euros. C'est énorme. Quoi qu'il arrive, c'est un beau cadeau. Mais chacun, quatre personnes au téléphone, ont été sélectionnées. On a eu Nicolas lundi. Salut Nico. Salut, salut Camille. Salut poteau de salut. Grison, hein. Ouais, c'est ça. 35 ans. On a eu Pierre Bardi qui a gagné le jeu. Salut oui. Pierre. Salut Camille. Salut mon poteau, casque aussi pour toi. Et là t'es venu pour en découdre. On a eu, c'est drôle parce que je vous dis toujours bonjour ma belle. Et on a vraiment ma belle au téléphone. Comment ça va? Oui, coucou Camille, ça va super. Oh là là, j'aimerais trop que t'habites ouais, en Andalousie. Tu serais ma belle andalouse. Oh. J'adore l'humour. Ma belle gagnante du mercredi. Et hier, c'est Laetitia qu'on a eu au téléphone. Salut les tounes. Bonjour Camille, bonjour à tous. Oh, salut ma belle. Tous les quatre, vous avez gagné votre casque et maintenant, il va y avoir un grand tirage au sort et l'un d'entre vous va repartir avec un séjour en Martinique, tout frais payé, transport, hébergement, restauration, tout, vous n'aurez plus qu'à bronzer dans un hôtel 4 étoiles. Je peux vous dire, c'est un cadeau magnifique grâce à l'hôtel La Pagagerie. C'est ça? La oui, Pagerie, excusez-moi, ouais, la Pagerie, l'hôtel La Pagerie et Corsair qui vous paye tout le trajet. On est très très heureux de vous offrir ça. C'est le moment du tirage au sort, c'est parti. L'un d'entre vous va repartir avec la personne de son choix. C'est jour pour deux personnes, hein, l'équipe. C'est fou. Alors attention. Je vais donner le bol du tirage à Laure. Laure, c'est toi qui va tirer au sort. Que ce soit très clair, tous les quatre et vous tous qui m'écoutez. Attention Laure, oui. Vous tous qui m'écoutez. Là, le nom qu'on va sortir sera la première personne éliminée. D'accord? Ok. Ok, tous les quatre. Là, si vous entendez votre prénom, je ne veux pas vous créer de fausse joie, j'ai vraiment peur de ça. Si vous entendez votre prénom, c'est que malheureusement, c'est perdu pour vous. Je rappelle quand même un casque de 350 euros qui est gagné quoi qu'il arrive. C'est dingue parce que c'est pas tous les jours qu'on offre des séjours pareils. C'est parti Laure, on tire le premier bulletin. Bonne chance à tous les quatre. Je m'excuse par avance pour les trois. Pour l'instant, deux filles, deux garçons. Laure, oui. Veuillez me passer le ticket. La première personne, malheureusement, éliminée, qui, quoi qu'il arrive, ne partira pas avec ce beau séjour. Il y a un A dans son prénom. Aïe. Pierre, quoi qu'il arrive, tu l'as compris, tu passes le tour d'après. Je passe le tour d'après. En revanche, ça craint pour Nicolas, ça craint pour Mabel, et ça craint encore plus, malheureusement, puisque c'est Laetitia. Laetitia qui est éliminée dès le premier tour. Ah, je suis désolée. Tant pis. Oh là là. Laetitia, tu restes avec nous, ma belle. Reste avec nous. Et ma belle aussi, d'ailleurs. Reste avec nous, Laetitia. Quoi qu'il arrive, il y aura forcément un heureux et trois déçus, mais c'est le tirage au sort. On y va. Deuxième nom tiré au sort. C'est Laure, hein. Vous verrez, hein. Regardez bien, on a le bol. On filme tout, hein, pour vous montrer, parce que voilà, quand on veut pas que vous croyez qu'il y ait quoi que ce soit. C'est vraiment un tirage au sort. Nicolas, Pierre Mabel, vous stressez? Complètement. Oui. Les amis, on va bientôt arriver en finale. Dans un instant, il va rester plus que deux personnes tirées au sort pour ce grand séjour. Il reste Nicolas, Pierre Mabel, et sachez que la prochaine personne éliminée a une nouvelle fois un A dans son prénom. Pierre, t'as compris ce qui se passait? Ouais, je passe la finale. Tu passes en finale, quoi qu'il arrive. Qui va malheureusement rejoindre Laetitia au royaume des déçus, même si, encore une fois, je rappelle, on vous a déjà fait un beau cadeau. Les amis, ça va être une finale mixte. C'est malheureusement Nicolas de Grison qui est éliminé. Oh, trop nul. Nicolas passe à côté de la Martinique. Ouais, c'est un coup de l'or, ça. Non, c'est elle qui tire au sort. S'il y a quelqu'un à qui en vouloir, c'est à l'or, bien sûr. Oh, non. On y va, attention. Là, maintenant, vraiment, il y a de l'enjeu. Pierre, comment tu te sens? Je me dis, hey, l'heure faut que t'aies la main heureuse. Ma belle, comment tu te sens? J'ai mal au ventre, j'ai mal au bras, j'ai mal partout, j'ai peur. Ma belle, Pierre, tout va se jouer là. Là, c'est important qu'on soit très clair. Le nom que retire Laure maintenant, c'est le nom du gagnant. D'accord. Là, le prénom que je vais dire maintenant n'est pas la personne éliminée. Le prénom qu'on va tirer au sort là sera le gagnant pour le séjour à la Martinique. Clément. Est-ce qu'on peut tenter un truc, genre on arrête là et Pierre et ma belle, si vous voulez, vous partez tous les deux ensemble. On peut faire ça. Ma femme, elle va pas être d'accord. Pierre, il est joueur, il joue le tout pour le tout. Pierre, il partirait avec sa femme. Ma belle, si tu pars, tu pars avec qui? Avec Clément. Avec mon chéri. Avec ton chéri, très bien. Attention, on y va, dernier tirage au sort. Laure, c'est parti. Vous êtes peut-être avec nous là, vous nous rejoignez en direct sur Virgin Radio. C'est un immense tirage au sort. Vous avez été des milliers, des milliers, des milliers à vous inscrire. Ils ne sont maintenant plus que deux. L'un d'entre eux va repartir avec un séjour d'une valeur de 7000 euros. Ma belle ou Pierre, Pierre ou ma belle, le nom que je donne maintenant sera le ou la gagnante. Pierre, tu habites où? J'habite à Nord-des-Cours, juste à côté de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais. Ma belle, tu habites où? Un gros décalage avec le Martinique. Eh oui, ma belle, tu habites où? À La Peine-sur-Yvonne, près de Marseille. Près de Marseille. Eh bien, les amis, sachez que la personne qui part avec son ou sa chérie une semaine tout frais payé en Martinique, c'est ma belle! Bravo! Séjour incroyable, les amis! Et allez, tip, allez! Oh là là là là! Et je suis sur le site de l'hôtel. Je voudrais les remercier. Il est magnifique! L'hôtel, c'est la Pagerie. C'est Corsair qui te paye les billets. 4 étoiles, tout frais payé, pension complète. T'as qu'à préparer tes valises, ma belle. Oh mon dieu, j'y crois pas! Eh ben, je suis très très très heureux. Je te fais plein de bisous. Oh, merci Camille, merci à tous, merci de nous faire rire tous les matins. J'y crois pas. Eh ben t'es un ange. Et Laetitia, Pierre, Nico, sans rancune les petits bichons, hein. Ouais. C'est pas grave. Eh ben vous êtes des amours, c'est ça Virgin Radio. Voilà, vous avez déjà eu un beau cadeau. Et c'est après, c'est le tirage au sort qui a fait le reste. Et je vous l'annonce, hein, dès à présent, la semaine prochaine, on aura une autre personne heureuse comme ça, puisqu'on fait la même chose pour la Réunion. Ouais. Vous partez quand vous voulez, vous choisissez vos dates et vous partirez tout frais payé avec la personne de votre choix. Bisous ma belle. Oh, merci beaucoup. Oh, t'es un ange. Embrasse ton chéri, je suis ravie. Je suis arrivée au boulot pourrie. Je suis heureuse. Eh ben, on est ravis de te faire plaisir, ma petite, ma belle. Je t'embrasse très, très, très, très fort. 7h48, on écoute DJ Snake tout de suite. Bon réveil. This is Justin Bieber. Hey, c'est DJ Snake. To believe we were burning on the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle, on a miracle. Say go through the darkest of days, having to heartbreak away. Never let you go, never let me down. tous, vous avez fait le bon choix. C'est sur le Virgin Tonic que ça se passe tous les matins. Séjour à la Martinique, iPhone 7 et un loyer encore à gagner. Loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. Ce sera à 8h20. Le pop rock électro de Coldplay qui arrive. Bon réveil à tous. Intersport. Chloé, je sais qu'en ce moment c'est Girl Power chez Intersport, mais tu veux pas enlever tes chaussures de sport là ? Oh non, elles sont super légères et trop confortables. Oui, mais là Chloé... Là quoi ? Bah là on est au lit. Dès le 14 septembre, c'est le Girl Power chez Intersport. Les chaussures femmes Nike Air Relentless 6 sont à 48,99€ au lieu de 69,99€, soit 30% de réduction. Intersport, le sport commence ici. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Conditions et listes des magasins participants sur intersport.fr. Air France. France. La France. Is in the air. Tu les aimes, mes jambes ? Ah oui, beaucoup, oui. Et tu les aimes comment ? Longues. Oui, mais comment ? Je sais pas. Mais bronzées, tant qu'à faire. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Fort de France au départ de Paris à partir de 398€ aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarifs, offres et de services pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Plutôt canapé ou tribune, jusqu'au 15 octobre, ne choisissez pas. Vivez les deux. Pour l'achat du nouveau Sony Xperia X Compact ou Xperia X, bénéficiez de 4 mois d'abonnement à Bein Sport Connect et tentez de remporter des places pour un match de l'UEFA Champions League. Offre soumise à condition chez les distributeurs participants. Détails sur promotion-sonymobile.fr. Xperia par Sony, partenaire de l'UEFA Champions League. Mathieu Croissando, directeur de la rédaction de l'Obs. Cette semaine dans l'Obs, inégalité, ça va craquer. Les meilleurs économistes de la planète dénoncent l'aveuglement des élites qui mettent nos démocraties en danger. À lire aussi dans cet Obs renouvelé et enrichi, la confession exclusive du maître espion John Le Carré. L'Obs, éclairer, débattre, combattre, c'est chaque semaine dans les kiosques et chaque jour sur le web. Juan va tester à l'aveugle deux cafés. Le café carte noire à 5,94€ le lot de 2 x 250 grammes, puis le café Lidl à 2,69€ le lot de 2 x 250 grammes. Juan, j'aime. Et j'aime. De même, j'aime. Oui. Mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur café carte noire non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Carte noire, 11,87€ le kilo. Lidl, 5,38€ le kilo. Je sais pas chez vous, mais chez nous, les vacances, on en profite même avec un petit budget. Resto les pieds dans l'eau et activité à gogo. Et à la rentrée, on reste sur notre lancée. Économie et bon moment en famille. En ce moment, chez SFR, la fibre est à seulement 19,99€ par mois pendant un an, puis 44,98€ avec en plus la première ligue et la Liga portugaise en exclu sur SFR Sport. Enfin la fibre avec plus que la fibre. Appelez le 1090, service et appel gratuit. Offre fibre starter soumise à condition d'éligibilité réservée aux nouveaux clients jusqu'au 3 octobre. Location box plus 5€ par mois. Frais d'ouverture de service 29€. Engagement 12 mois. Détails sur SFR.fr. Virgin Radio. Virgin Radio. Se dessine, courageux et fort, où rien ne respire, corps contre corps, ciel contre cime, la forêt se tord, l'horizon soupire, t'aimer sur les bords. Ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Si demain tu regrettes, le miroir écorché, que le lac te reflète, promets-moi d'oublier, t'aimer sur les bords du lac, ton cœur sur mon corps qui respire, pourvu que les hommes nous regardent, amoureux de l'ombre et du pire. Oh, bientôt 8h sur Virgin Radio. J'espère que ça va pour vous. Là, il y a un chassé-croisé entre les gens encore à la maison qui préparent le petit-déj. Et puis, il y en a d'autres qui, je le sais, nombreux, sont déjà en voiture, voire même arrivés au travail. On pense très fort à vous. L'équipe est là, bien sûr. Oui. Je vous ai préparé l'actu. Enfin, moi, pas trop, mais plus de 60 journalistes partout en France avec une actu qui vous plaît vraiment, une actu près de chez vous. Ça arrive comme chaque matin à 8h. Et puis, juste après, 8h05, qu'est-ce qui va se passer, Clément ? Eh ben, il y aura la question de ouf. Et vous nous avez fait mourir de rire parce que je vous ai demandé quelle est la phrase type de parents que vous entendiez de vos parents, et si vous êtes maintenant parents que vous ressortez, et on a des perles. Allez, vraiment, vous nous avez fait énormément rire. On va en écouter avec des nouvelles encore dans un instant sur Virgin Radio. Et puis on a lancé un hashtag, on s'amuse avec ça puisque depuis ce matin, on aime bien se raconter des histoires mignonnes. Oui. C'est vrai que, alors nous les premiers ici le matin, on aime bien dire, ah lui, les gens que vous supportez pas, quel est votre relou là. Mais là on s'est dit, pourquoi ce matin c'est vendredi, c'est un peu difficile de se réveiller, pourquoi est-ce qu'on se dit pas les trucs mignons qui arrivent dans la vie. On se raconte des anecdotes et après on fait, on dit même plus c'est mignon, on fait juste on fait que ça. On veut que des histoires comme ça. On a rappelé Anthony, on a rappelé Stéphanie. Ça va tous les deux? Bonjour, salut, salut tout le monde. Salut mon poteau. Anthony, on commence avec toi. Si tu nous as écrit, c'est parce que si tu, on te rappelle, pardon, c'est que tu nous as écrit sur les réseaux. Anto, quel est le truc mignon qui t'est arrivé? Bah écoute, moi la semaine dernière, en fait, j'étais malade, je suis resté une journée au lit, j'avais un peu la fièvre, et ma fille, elle est venue dans la chambre et elle m'a tendu son doudou, elle m'a dit tiens, prends le doudou papa, grâce à ça tu vas guérir plus vite. C'est mignon. Non mais qu'est-ce que c'est mignon. Non mais franchement, c'est trop mignon, hein. Pauline au standard. Bah ouais. Non. Moi quand j'étais petite, mon père, je le recouvrais de toutes ses affaires quand il faisait sa sieste pour le soigner. Je savais pas parce que je me disais s'il a chaud. Pour qu'il ait chaud. Ouais, s'il a chaud, ça va le soigner. Oh, oh c'est idiot. Non, c'est mignon, c'est mignon. Les filles, elles prennent soin de leur papa. Ah bah oui, toujours hein. Laure, est-ce qu'il t'arrive des choses mignonnes dans la vie ? Ouais, ma petite nièce Romane, à chaque fois que je la vois, je lui dis je t'adore. Et la dernière fois, elle me dit, tu sais, Tati, moi, je t'adore, mais très, très d'or. Oh, la mignonnerie. C'est pas possible d'être aussi mignon. Je t'adore, mais très, très d'or. Parce qu'elle, comme je dis toujours, je t'adore, elle a cru que c'était en deux mots. Oh là là, mais qu'est-ce que c'est mignon, Clément. Moi, ma petite nièce, elle vient de rentrer en CP, Tara, et elle a fait une récitation sur moi. Parce que le thème, c'était « C'est qui ton héros ?» Oh, mais t'es son héros. Ouais, je suis son héros. C'est improbable. Oh là là. C'est beau d'être un héros. Ouais. C'est bizarre parce qu'on imagine mal Clément, genre comme un Avengers, quoi, tu vois. Ouais. Non, mais un Iron héros, Man, Hulk, Thor, Clément l'incruste. Il faut qu'on aille sauver le monde. C'est bizarre, mais c'est tellement mignon. Stéphanie, toi aussi, tu nous as écrit un truc mignon. On veut, tu le racontes. J'adore, je pourrais faire ça toute la journée. Juste raconter des trucs mignons et faire... Oh. Et se dégonfler. Vous voyez ce moment où t'as les épaules qui tombent et tout, tu veux... Oui. Oh. Tu deviens tout mou. Alors, ma petite Steph, toi. Alors moi, c'est ma petite nièce, en fait. Elle m'a dit qu'elle avait raconté à ses copines que j'étais magicienne. Parce que quand elle arrivait à la maison, eh ben, j'ouvrais le portail juste en pointant du doigt. Avec la télécommande. Oui, mais ça, je la cache, elle le sait pas. Oh là là là là. C'est génial. C'est trop mignon. Oh, mais ouais. C'est trop mignon, les amis. C'est clair. Oh là là, qu'est-ce que c'est mignon. Merci, ma petite Steph. Merci, Anthony. Merci à vous. De rien, bisous. Oh, ils sont mignons. Ils disent bisous. Vous êtes tellement mignons. Ah là, je vous jure, j'en veux, c'est beaucoup trop mignon. 8h du matin, les amis, restez avec nous. Coldplay. Hymne de force de vendredi. Voilà ce qui arrive dans un instant. Je vous souhaite un très bon réveil. On fait les infos là. Restez avec nous sur Virgin Radio. On est là jusqu'à 9h. Oh, c'est mignon. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, du grand beau temps pour aujourd'hui et pour demain sur tout le pays, du soleil pour tout le monde avec des températures agréables, 21 degrés en moyenne cet après-midi, 23 à Paris, 24 à Lyon, vous aurez 26 à Nîmes. Attention, il devrait pleuvoir dimanche sur la plupart des régions. L'affaire Jérôme Carviel de retour dans l'actu ce matin. La cour d'appel de Versailles est amenée à se prononcer cet après-midi sur les dommages intérêts réclamés par la Société Générale à son ancien trader, 4,9 milliards d'euros, mais surtout un enjeu fiscal. mal pour la banque qui pourrait être contrainte de rembourser près de 2,2 milliards d'euros à l'État. De gros sous, il sera question aussi aujourd'hui à New Delhi. L'Inde va passer pour quelques 8 milliards d'euros de commandes à la France. L'armée indienne souhaite se doter de 36 avions de combat. La commande la plus importante jamais signée à l'étranger pour le Rafale. La contagion de la radicalisation islamiste à la une du Figaro. Le quotidien révèle que 1954 mineurs sont signalés comme radicalisés en France. Un chiffre en hausse de 121% en l'espace de 8 mois. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à tomber sous l'emprise des recruteurs de Daesh. Depuis l'an dernier, la protection judiciaire a suivi 600 mineurs radicalisés. 37 ont été mis en examen, 14 incarcérés. Le Figaro, qui comme toute la presse papier en général, a vu ses ventes baisser au premier semestre. Le plus fort recul pour Libération, en chute libre de 21,5%. Forte baisse aussi pour Le Parisien, Ouest France, le magazine L'Express, la presse télé et la presse féminine. Les lecteurs se sont davantage rués sur Valeurs Actuelles, Les Échos et L'Équipe. C'est le vendredi de tous les dangers au Gabon. La Cour constitutionnelle doit dire si elle valide ou rejette les résultats de la présidentielle du 27 août. Craignant de nouvelles émeutes, la population s'est ruée dans les commerces pour faire des stocks. Le couvre-feu décrété cette nuit à Charlotte, aux États-Unis. La ville a été le théâtre de nouveaux affrontements dans la soirée. Et puis n'hésitez pas à modifier vos codes d'accès si vous avez une adresse mail chez Yahoo. 500 millions de comptes ont été piratés. Les hackers ont volé les mots de passe et dates de naissance des inscrits. En sport, le match avancé de la 7e journée de Ligue 1, le Toulouse Football Club va recevoir le Paris Saint-Germain ce soir à 20h45. Une journée qui reprendra demain avec Lorient-Lyon dès 17h et suivi de Dijon, Rennes, Bordeaux-Caen ou encore Monaco-Angers dans la soirée. Nice, le leader, jouera dimanche à Nancy. Marseille recevra Nantes en clôture. Et puis du basket, le coup d'envoi de la nouvelle saison de Pro A. Ça débute avec le Portel Nanterre ce soir 20h, Paris-Levallois-Nancy 20h30. Les deux favoris, l'Asvel face à Monaco demain 18h30. Bon réveil. Vous tous, 8h03, c'est le Virgin Tonic à vos côtés, vendredi déjà, ça passe très très vite avec vous, le 23 septembre on est là jusqu'à 9h, vous avez fait le bon choix, c'est là que ça se passe tous les matins, courage à ceux qui sont déjà au bureau, au salon de coiffure, quelle que soit votre boutique et qui nous écoutent toute la journée sur Virgin Radio dès 8h, il y en a d'autres qui sont encore en voiture, peut-être en train de déposer les enfants à l'école, beaucoup de courage en tout cas, on est avec vous chaque matin avec Laura, avec Clément, bonjour, avec la popo Coucou. Du standard, avec un loyer à vous offrir. Un dernier tirage au sort dans quelques minutes. Loyer au 7, 12, 13 par SMS pour vous inscrire. N'hésitez surtout pas. On attend tous les messages. Et puis surtout, dans un instant, il y aura un grand conseil de classe. Ah. Un grand conseil de Koh-Lanta. Si vous, alors, oui. Ce soir, c'est le grand retour de Koh-Lanta, oui. Vous le savez. Oui. Ce soir, donc Koh-Lanta le retour. Et nous, tous les vendredis, on élit le pire partenaire de la semaine dans le Virgin Tonic. Ah. Coéquipier. Le pire coéquipier. Une nouvelle fois, il y aura le conseil. Ouais. Le conseil. Bon, je fais Denis Brognard, c'est passion. Ouais. Et puis, chacun d'entre vous, vous allez devoir voter pour l'un pour l'autre. Est-ce qu'il y a eu des alliances dans la semaine? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'est fait un petit peu remarquer d'une mauvaise façon par ses camarades? Vous saurez qui l'équipe du Virgin Tonic a décidé de supprimer pour ce week-end. On verra tout ça dans un instant. On sera avec vous aussi, hein, au 3916. N'hésitez pas à nous appeler. Coldplay qui arrive dans un instant pour le pop rock électro. Et avant 9h, je vous envoie à Las Vegas. Wow. Tout frais payé. Oh, ouais. Séjour, tout frais payé. Là encore, c'est au 3916. Pour le moment, 8h05. Vous nous avez fait beaucoup rire ce matin. C'est la question de ouf. Question de ouf. Parce que vous laissez des messages chaque jour sur notre répondeur. Alors ce matin, vous vous êtes surpassé, Clément. Oui, parce qu'on vous a demandé quelle est la phrase type de parent. Si vous êtes parent, si vous êtes enfant, vous l'entendez. Bref, la phrase que tous les parents sortent au moins 3 fois par jour. La phrase type de parent, c'est « Tu sais, nous quand on était jeunes, on n'avait pas tout ce que t'as maintenant. » Si seulement tu connaissais aussi bien tes devoirs que la télé, tu serais premier de la classe. On sera au château de Versailles, s'il éteint la lumière. File dans ta chambre, ouais. Et quand tu seras calmé, tu pourras sortir. Et si ton copain saute de la fenêtre, toi aussi tu vas sauter? La phrase que je peux répéter 50 fois à mon fils de 3 ans, c'est « Arrête de te mettre les doigts dans le nez, tu vas avoir un nez comme une patate. » Écoute, tant que tu vivras dans ma maison, c'est moi qui décide. Par contre, si tu veux faire un ménage, c'est chez toi aussi. Si t'as faim, mange ta main, ouais. Et garde l'autre pour demain. J'en ai marre de répéter 100 fois la même chose. Ne me force pas à me lever, sinon ça va barder. Attention, je compte jusqu'à 3 et c'est la fessée, hein. 1, 2, 2,5, 2,75. Oui, bah, mes parents me disaient toujours, si t'es pas sage, eh ben, tu vas aller en pension. J'ai mis très longtemps à comprendre qu'ils n'avaient pas les moyens de me mettre en pension. Question de ouf. Oh là là, ça me rappelle tellement de trucs. Moi, je me rappelle au resto avec mon frère Clément. Ouais. On était toujours dissipés parfois ou quoi. Ma mère, arrêtez, Camille, Clément, arrêtez. On n'arrêtait jamais. Et dès que mon père disait, bon, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sortir s'expliquer. En une seconde, on était, mais comment vous dire, William et Harry, les princes de Galles. Genre rendez-vous officiel, vous voyez, genre costard, tous les trucs de bonjour, ravi, j'ai 8 ans et je suis parfait, merci à vous. En une seconde, tellement on avait peur de mon père. Avec nous sur Virgin Radio, Coldplay, Him for the Vendredi, voilà ce qu'on écoute tout de suite, 8h07, bon courage. To lift me up. Life is a dream and love's a drug. Oh, now I think I must be my user. When I was a river dried up, it came to me. C'est le moment, si vous êtes des fidèles de l'émission, c'est le moment où toute l'équipe se met à Sharpie le vendredi, puisque c'est comme dans Koh-Lanta, c'est ce soir, hein, bien sûr, de retour sur TF1, et comme dans Koh-Lanta, une nouvelle fois, il va y avoir le conseil du Virgin Tonic. Chacun a voté en son âme et conscience. On va découvrir qui est, selon eux, le pire aventurier de la semaine. Le pire membre de cette équipe. La semaine dernière, c'est Clément, hein. Semaine dernière, c'est moi, parce qu'en fait, il y a eu une alliance. Nico a très bien joué son coup. Ah, il était fort. Et tout le monde a voté Clément. Je rappelle qu'il y a des alliances, il y a tous ces codes dans Koh-Lanta. Bienvenue sur Virgin Radio si vous nous rejoignez. Il est temps de passer au conseil. Il s'en est encore passé cette semaine. Cette semaine, sur l'île Lagardère, l'équipe du Virgin Tonic a perdu l'épreuve d'immunité, mais aussi celle de confort. Lequel de ces aventuriers, ou plutôt pieds nickelés, va être ramené à la dure réalité de la vie? L'équipe, chacun à votre tour, vous allez voter contre une personne et expliquer votre choix. Je veux que vous votiez tout de suite pour pas qu'on puisse changer en fonction de qui vote qui. Ouais. Chacun inscrit sur son petit papier. Qui va être éliminé? Est-ce que c'est Clément? Vendéen et séducteur au grand cœur. Ouais. C'est non sans peine qu'il essaie de draguer les unes après les autres les filles de l'équipe. Laure, maman d'une adolescente, cette quadra hyperactive au rire agricole est prête à tout pour la victoire. Quitte parfois à se mettre à dos les membres de l'équipe. Nicolas Duburon, stéphanois de l'équipe, papa d'une petite fille de 4 ans, il est fin stratège, mais paresseux pendant les épreuves de confort. Ginger, hyperactive aussi, véritable mordu des réseaux sociaux. Son rêve ultime, choper du wifi sur l'île pour poster une photo sur Facebook. Enfin, Pauline, bordelaise et misanthrope. Il y a toujours des mots que tu comprends pas. Bah si, bordelaise, ça veut dire qu'elle habite à Bordeaux. Mais non, j'ai toujours des mots. Il y a toujours des mots spéciaux, vous savez ou pas? Pauline, bordelaise et renfrognière, c'est la bonne vivante de l'équipe. Malgré son tempérament naïf, elle reste cependant une valeureuse combattante dans l'âme pour ses adversaires. Si vous me connaissez, il n'y a aucun moment que je préfère à celui de quand je fais Zanibronia. C'est mon vrai. Les amis, il est maintenant temps de passer au vote. On va commencer dans l'ordre de marche. Nous allons commencer par Nico du bureau le plus près de moi et on finira par celle qui est le plus loin dans le studio comme dans la vie, Pauline. Nicolas, vous avez décidé de voter. C'est la règle du jeu, c'est la règle de Koh-Lanta. Pour quel aventurier du Virgin Tonic avez-vous voté? Je sais que je n'ai pas fait que des heureux la semaine dernière. Parce qu'effectivement, j'étais à l'origine d'une grosse stratégie. Et je pense que cette semaine, il y a une grosse stratégie contre moi. Je le dis déjà d'avance. Et la personne qui a créé cette stratégie... Vous sentez le vent tourner? Eh bien, absolument. J'ai avez-vous vu dans le collier couloirs... d'immunité? Justement, non. La personne dans les couloirs qui a fait ça... C'est Ginger. Et je vote pour Ginger. Nico du bureau a décidé de voter contre Ginger. Je rappelle, vous ne pouvez plus changer vos votes. Hein. Les votes sont écrits sur un papier. Je vais maintenant me tourner vers Laure. Oui. Laure, pour qui avez-vous décidé de voter cette semaine? Je rappelle, c'est très important. L'aventurier qui sera, entre guillemets, éliminé, qui aura le plus de votes, aura un gage jusqu'à la fin de l'émission. C'est comme ça que ça se passe tous les vendredis. Laure. Alors moi j'ai pas le choix parce que c'est le patron qui m'a demandé de voter contre lui. Donc bah j'obéis au patron, à Fredo. Et ce sera contre Nico. Parce que Fredo, le patron de Virgin, se met dans les votes? Ouais. Il est mal barré, il va se prendre quelques votes aussi. Attention, apparemment une alliance est en train de se créer entre le patron de la radio et Nico du bureau. Oula. Clément, je me tourne vers vous. Vous êtes un petit peu... la personne la plus pacifique, vous essayez que tout le monde soit bien, qu'il y ait une réunification qui exactement se passe bien. Clément, pour qui avez-vous voté? Exactement. Alors, j'ai été victime la semaine dernière de Nico, mais ouais, je ne suis pas rancunier, je veux de la paix, je n'ai pas voté pour Nico. Et mon choix, cette semaine, ce sera Pauline. Pauline. Pour une simple et bonne raison, c'est que pendant une pause, cette semaine, je lui ai raconté pendant 10 minutes ma vie, j'avais besoin de conseils. Et au moment où je lui ai dit, qu'est-ce que t'en penses? Elle a levé les yeux de son portable et elle m'a dit, hein? Quoi? Je suis pas écouté. J'étais très blessé. Pour l'instant, il y a une voix contre Nico du bureau, une voix contre Ginger et une voix contre Polly. Vous l'avez compris, cette tribu est divisée. L'un d'entre vous va pourtant quitter une nouvelle fois l'aventure, aura un gage jusqu'à la fin de l'émission. Ginger, pour qui avez-vous voté? J'ai voté pour Nico du bureau. Ça fait deux. Ouais. J'ai voté pour Nico du bureau parce que en ce moment, à chaque fois que je m'apprête un peu, il a toujours la même réaction. C'est « tu fais un peu ta chaudasse » et franchement, ça me saoule. Ça sonne bien comme Nico du bureau. Je vais maintenant me tourner vers Pauline. Pauline, oui, vous l'avez compris, vous êtes le dernier vote. Il sera, quoi qu'il arrive, fatidique. Y aura-t-il égalité? Y aura-t-il un éliminé? C'est la réponse que vous allez nous donner. Pauline, pour qui avez-vous voté? Moi, j'en peux plus, il m'appelle tous les soirs. Mon mec commence à être jaloux, juste pour aller boire des coups parce qu'il est seul. C'est Nico du bureau. Vous l'avez compris, la tribu du Virgin Tonic a voté Nico du bureau. Prenez votre flambeau, venez me rejoindre. Même si on a 2 cm. Le conseil à voter et leur sentence est irrévocable. Nico, ramenez-moi votre casque. On ne peut plus mettre les flambeaux et mettre le casque. Ramenez-moi votre casque. Désormais, il est en ma possession. Nico du bureau, vous allez avoir un gage jusqu'à la fin de l'émission. Vous devez nous donner les codes de votre Facebook perso. Oh, et jusqu'à la fin de l'émission, on ne va pas fouiller, mais jusqu'à la fin de l'émission, chaque personne de l'équipe ici présente a le droit de mettre un message. Et pas en mode de ah, désolé, c'est lourd, c'est les copains. Non. On doit mettre un message, on met tout ce qu'on veut. Laure peut mettre un message, ah, Clément, oui. Ginger, notre petite Pauline et moi-même. On a tous le droit de mettre un message perso sur votre Facebook d'ici la fin de l'émission. Un statut, quoi. Merci, Pauline. Message, quoi. Voilà, les amis, une nouvelle fois. On va se retrouver la semaine prochaine. Ouais. Pas n'oubliez pas notre jeu concours. Vous aussi. Sur mytf1.fr, vous pouvez repartir avec un très beau séjour. Les amis, ce sera une nouvelle fois le vote. Clément a déjà été éliminé une fois. Laure, une fois, je crois. Oui. Non. Laure, une fois. Nico Dubure, une fois. Les stratégies vont se refaire et vendredi prochain, il y aura le nouveau conseil du Virgin Tonic. Et les frérots de la Vega, ils arrivent avec le cœur éléphant. Restez avec nous sur Virgin Radio. J'ai un loyer à vous offrir dans deux minutes. Appel loyer au 7-12-13 par SMS pour vous inscrire. En ce moment chez But, moins 20% sur le netbook Polaroid 14 pouces. 159,99€ au lieu de 199,99€. Bon, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Garçon, excusez-moi, quel est le plat du jour, s'il vous plaît? Eh bien, le plat du jour, c'est... Il y a l'air discount, je dois filer chez Netto. Aujourd'hui, il y a 4 tranches de tendre noix supérieure Erta gratuites pour 4 tranches achetées. Ah, Netto, le discounter qui fait la différence. Origine France, 320 grammes, 2,24€ le lot, soit 7€ le kilo. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. La Redoute présente la Shopping Week. C'est parti pour une nouvelle saison et ça démarre fort avec moins 40% sur la nouvelle collection. Manteaux, bottines, déco, linge de lit, toutes les nouvelles tendances sont là pour toute la famille à des prix irrésistibles. En ce moment, je bénéficie de prix incroyables à moins 40% sur des milliers de produits mode et maison de la collection automne. Livraison offerte en relais colis et à domicile sans minimum d'achat et retour gratuit. Voir conditions sur laredoute.fr. Dépêchez-vous, ça commence! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99€, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Nouveau message, urgent, de Bouygues Télécom. Bah je t'écoute. En ce moment, le forfait 4GB et New 20Go est à seulement 9,99€ par mois pendant un an. Waouh, 9,99€? Oui. Mais c'est seulement jusqu'au 26 septembre. Tic, tac, tic, tac. Jusqu'au 26 septembre, profitez de la qualité 4G Bouygues Télécom avec le forfait BNU 20 Go à seulement 9,99€ par mois pendant un an au lieu de 24,99€. En exclusivité sur bouyguestelecom.fr. Offre soumise à condition. La super rentrée Carrefour Market. Tiens, vous portez une cape aujourd'hui. C'est pour la super rentrée Carrefour Market, Michel. Jusqu'au 2 octobre, à vous les super pouvoirs, les promos incroyables. Des super pouvoirs? Oui, en exclusivité chez Carrefour Market, vous pouvez collectionner 16 figurines de vos héros Marvel préférés, comme Spider-Man, Iron Man ou Captain America. Une figurine vous est remise en caisse par tranche de 30€ d'achat. Ah, vous serez toujours mon super héros. Carrefour Market. Offre soumise à condition. Modalité et magasin participant sur carrefourmarket.fr. Air France. France. La France. Is in the air. On la reconnaît à des kilomètres à la ronde. Éventail fleurs de lotus, lunettes de soleil et robe col Mao, la française en Chine a décidément de l'allure. Ni hao, bonjour. Air France. France. La France. Is in the air. Avec Air France, découvrez Pékin au départ de Paris à partir de 488€ aller-retour, tout compris, jusqu'au 29 septembre. Tarif, offre et de service pour des départs du 1er novembre au 11 décembre 2016. Cathy va tester à l'aveugle des biscottes. Les biscottes Heudebert à 2,86€ le kilo, puis les biscottes Lidl à 1,94€ le kilo. Cathy? J'aime. Et? J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur les biscottes Heudebert non disponibles chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Biscottes Heudebert 2,37€ les 830 grammes. Biscottes Lidl 1,55€ les 800 grammes. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Dans moins de 2 minutes, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. La météo Virgin Radio. Oh là là là là, qui va faire beau aujourd'hui pour cette deuxième journée de l'automne. De belles éclaircies sur les régions du Nord, du grand soleil sur le sud, notamment sur la Nouvelle-Aquitaine et l'Occitanie. Et le mercure, eh ben ça va bien, 21 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez 17 cet après-midi au Mont-Saint-Michel, 18 à Deauville, 19 à Lille, 21 à Compiègne, Strasbourg et Colmar, 22 à Chambéry, 23 à Paris, Rennes, Nantes, Limoges, Marseille, Nice, 24 à Lyon et en Corse, 25 à Bordeaux et la maximale 26 du côté de Nîmes et de Montpellier. Très bon réveil avec nous. Virgin Radio. Virgin Radio. Bieber au 88-484. Justin Bieber nous offre encore un de ses nombreux hits. Envoyez Bieber, B-I-E-B-E-R au 88-484. Accédez au catalogue et téléchargez Love Yourself, le nouvel hymne de Justin Bieber en sonnerie. Bieber au 88-484. Abonnement 3 euros par semaine, DGP. Virgin Radio présente Virgin Tonic, la compile officielle avec Richard Orlinski, Imani, Coombs, DJ Snake, LP, Calvin Harris, Sia Venner, Charlie Puth, Julian Peretta, Jonas Blue, Virgin Tonic, c'est la compilation. Envoyez demain au 74567 pour connaître la date de la rencontre qui changera votre vie. Demain au 74567, où le rencontrerez-vous? Envoyez demain, D-E-M-A-I-N, au 74567. 65 centimes plus prix d'un SMS tel qu'au pass. Tous les dimanches, 20h minuit, préparez-vous pour la reprise avec le Lab Virgin Radio. Faites le plein de live avec vos artistes Virgin Radio préférés, de découvertes et d'interviews exclusives. Cette semaine, Amir. Et Easy Bizou sont les invités de Lionel dans le Lab Virgin Radio. Artistes pop, rock, electro sont dans le Lab sur Virgin Radio. Tout de suite, Camille Combal paye votre loyer sur Virgin Radio. Bienvenue à vous tous sur Virgin, on est très en retard et je m'en excuse, 8h22 et pas 8h20, c'est tous les matins, hein. 6h20, 7h20, en principe 8h20, qu'on paye votre loyer, qu'on vous rembourse une mensualité de crédit si vous êtes propriétaire, un SMS suffit pour vous inscrire, loyer au 7-12-13, vous me laissez bien votre numéro de téléphone. Et je sais que c'est un rendez-vous qui est devenu très important pour vous. Quand vous partez déposer les enfants à l'école, quand vous partez bosser en voiture, vous comptez sur cet appel. C'est un rituel, hein. Vous inscrivez et tous les matins, on vous rappelle en direct à cette heure-ci. Parmi tous les SMS reçus, un par heure. Et ça marche bien depuis ce matin. 1800 euros de loyer déjà offert. Grâce à Mickaël, il y a une heure. Et Lara, à 6h20. Bonne chance à vous tous. Décrochez maintenant. Vous me répondez, Virgin Radio, c'est gagné. Allô ? Oui, allô ? Bonjour, qui est là ? Bonjour, Céline. Aline, tu viens d'où ? J'habite dans le Val d'Oise. Où ça ? Aisanville. Aisanville, Val d'Oise. Très bien. Ouais. Alors, d'avance, j'imagine qu'on va le sentir passer, puisque en région parisienne et près de Paris, comme dans près des grandes villes comme Lyon, tout ça, les loyers sont très très chers. Ma chérie, quelle est la seule radio qui paye ton loyer ? Virgin Radio ! Ouais, bien sûr, ma belle. Ouh, je suis très contente. Mais moi, je suis très heureux. Ah, oui. Il est de combien ton loyer ? 1340 environ. C'est un remboursement de crédit. Eh ben très bien, 1340. C'est que je suis en train de faire le calcul en même temps. Ça fait presque 3200 euros de loyer offert ce matin, puisqu'on va te faire le chèque. On va te l'envoyer dès cet après-midi, ma belle, d'accord ? Ah super, merci beaucoup. Eh ben je suis contente. Ça fait un moment que j'essaye de jouer et puis c'est super, continuez comme ça, je vous écoute tous les jours. Eh ben t'es un amour, merci de nous écouter en partant bosser et en t'inscrivant. Voilà, il faut quelques SMS, tenter plusieurs fois sa chance parfois pour être tiré au sort. On est très content en tout cas, Aline, de te faire ce chèque. Ah, moi aussi. Merci, et gros bisous à tous. Et tu seras notre dernière gagnante du loyer de la semaine. D'accord, ah ben parfait. Eh ben parfait, je suis content que ce soit toi. Je t'embrasse fort, ma belle. Sois prudente en voiture, 8h24. Vous aussi, hein, soyez bien, bien prudents. On écoute les frérots de la Vega, le cœur éléphant. Ouais. Et on revient dans un instant avec vous dans le Virgin Tonic, en direct, bien sûr. Rassurez-vous, hein, si vous n'avez pas été tiré au sort là, on a encore des beaux cadeaux. Vous m'appelez au 3916, vous pouvez partir tout frais payé avec la personne de votre choix à Las Vegas avant 9h. Salut, c'est Frérot de la Vega dans Virgin Tonic. Le cœur éléphant. Des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti ici pour rencontrer la vie, être vivant énormément. Sous les épaules des géants, le cœur éléphant. Poser sur un rocher, se laisser aller à pas de géant, le cœur éléphant. On prendra notre temps pour découvrir la vie, aimer les gens énormément. Sur les épaules des géants, le cœur éléphant, voir au-delà de Louis, le cœur ébahi, goûter la voie lactée, le cœur léger, le cœur léger. Je mettrai tout mon poids pour faire pencher la vie. Cœur éléphant, énormément, j'ai le cœur éléphant. Au-delà des orages, je pars en voyage, mon âme au vent, le cœur éléphant. Je suis parti d'ici pour rencontrer la vie, être vivant. Les amis, bienvenue si vous nous rejoignez, 8h27, belle matinée à vous sur Virgin. Ne soyez pas surpris si vous êtes des fidèles de l'émission. Nico a perdu le conseil de Koh-Lanta, Nico du bureau qui est là tous les matins avec nous. Et donc, on a plus opté pour Twitter. Ouais. Toutes les personnes de l'équipe ont le droit de mettre ce qu'ils veulent sur le Twitter de Nico du bureau d'ici la fin de l'émission. Clément, est-ce qu'on a le droit de mettre at quelqu'un pour que la personne le voit ou pas? Bien sûr, quelqu'un bien très sûr. Connu. Hein. Bien sûr. Le droit. Bah, évidemment. Vous avez mis quoi pour le moment? Pour l'instant, je l'ai pas mis. Je suis en train de l'écrire là. C'est quoi que tu vas mettre? J'ai le droit de le dire ou pas? Oui. Alors on sait que c'est le plus grand supporter de Saint-Etienne. De la Saint-Etienne. Non, non, non. Il y a un tweet qui commence par bisous Jean-Michel Aulas, qui est le président de Lyon le club de France. Et je suis en train d'écrire le message. J'adore. Et on sait qu'il est beaucoup sur Twitter en plus. Mais attention, on n'a pas le droit d'effacer après. On n'a pas le droit de dire c'est les copains qui ont fait ça et tout. Non, non, il a perdu son pari et c'est comme ça toutes les semaines. Bienvenue à vous tous qui ouvrez les yeux sur Virgin Radio. Les copains, vous qui allez peut-être faire un apéritif ce soir, je vous dis souvent le vendredi c'est plus difficile. Mettez-vous en tête ce que vous allez faire ce week-end. Avec votre famille, avec vos proches, avec vos potes. Il y en a peut-être qui vont aller boire l'apéro, qui vont passer un petit samedi après-midi en terrasse. Ouais. Est-ce que tu viens ou pas, toi, à Pouzauges? Tu m'as dit ce week-end, je viens à Pouzauges. Et non, mais Clément, je peux pas. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'il faudrait qu'on se paxe si je t'écoutais. Ouais. Je suis obligé de quitter ma chérie qui veut qu'on passe notre vie ensemble. Ah, mais non, il faudrait que je passe tous les soirs manger des pizzas chez lui. Il faudrait que le week-end, il vienne dormir à la maison. Il faudrait qu'on parte ensemble à Lille. Il faudrait qu'on passe notre vie ensemble. Mais Pouzauges, tu connais pas encore. Je viendrai à Pouzauges. Je viendrai avec plaisir. Mais alors, là, mon Clément, j'ai un truc de dingue. Vas-y. Et ça va révolutionner, je pense, le monde de l'apéro, le monde des bars. Mm-hmm. Puisque a été créé, écoutez bien, des glaçons connectés. C'est-à-dire on sait, merci. On sait, c'est vraiment pour tous les gens qui peut-être savent pas ce qu'est un glaçon, le bruit. Oui, hein. Des glaçons connectés, c'est très très simple. En fait, c'est que on adore les objets connectés. Maintenant, il y a à peu près tout qui est connecté. Mais les glaçons, alors, sur le coup, pourquoi je vous en parle? J'ai trouvé ça un peu idiot. Mais en fait, c'est très intelligent. C'est que le glaçon, il est dedans, il rafraîchit vraiment la boisson. Il y a un petit truc à l'intérieur. Et en fait, le serveur, il est derrière son bar. Il sait automatiquement, au moment où le verre est vide. Dès que le verre est vide, ça lui envoie un signal. Et lui, il vient, il dit, je vous resserre ou pas, messieurs? Il n'y a plus le... Mmh. Eh, ben. Parce que alors, moi, je sais que j'ai ce vrai souci dans ma vie. C'est que j'ai un vrai problème de charisme. C'est-à-dire que moi, on ne me voit pas. Ouais. Alors, au moment où je m'assois dans un resto, ma chérie, elle lève la main, elle dit, oui, s'il vous plaît. Ben, tout le monde s'arrête. Et moi, je suis... Merde, et pour le dessert. Ouais, je suis allergique à la coriandre. Non, bon. Personne. Je passe inaperçu partout, Clément. Non, mais c'est une très, très bonne idée. Merci. Mais on va boire deux fois plus, par contre. Parce que d'habitude, tu bois moins parce que t'attends 10 minutes, tu fais des pauses. Ben, faites la fête avec modération et tant que vous conduisez pas sur surtout ma popo ouais. standard. Non, j'allais dire la même chose que Clément. Et puis voilà. Le martini, c'est pas très fort. Parce que c'est Martini qui fait ça. C'est Martini qui fait ça, c'est vrai. Le martini rosso. Ah bah non, c'est super. Le rosso, bien sûr. C'est le meilleur. Évidemment. Oui, Laure. Moi, pardon, c'est la maman qui parle, mais j'aurais plutôt fait des glaçons connectés pour savoir quand t'as trop bu et qu'il faut arrêter, en fait. Ah. Non, alors ça, c'est pour ça, quand t'as trop bu et qu'il faut pas faire certaines choses, ça, j'adresse un message. C'est Facebook qui devrait faire ça. Il devrait y avoir un éthylotest avant de pouvoir ouvrir son Facebook. Vraiment, pas faire de bêtises. Oui, Pauline, au standard. Non, moi, ma technique, c'est de passer le bras sous la jambe et d'essayer de tenir comme ça en touchant mon nez. Ah, déjà, avec je vais mon dire pouce. Un truc. Hein, quand sur une terrasse, tu commences à faire ça, quoi qu'il, c'est que t'es bourré. Bah, oui. Je vous dis, quel que soit ce que t'arrives à le faire ou pas, si t'es en train de te dire, attends, je sais de mettre mon pouce comme ça. Quoi qu'il arrive, moi, je vous dis, vous êtes bourré. Alors, les amis, restez avec nous 8h31. Il a 19 ans, il vient d'Aix-en-Provence et il s'appelle Valentin. C'est Kungs, Don't You Know. Voilà ce qu'on va écouter dans le Virgin Tonic. Je l'aime beaucoup, je sais que vous aussi, c'est pour le pop rock électro. Il nous reste une demi-heure à passer ensemble avant de vous laisser tranquille pour ce vendredi. On va en profiter et je vous envoie à Las Vegas avant 9h. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, deuxième jour de l'automne et du soleil comme s'il en pleuvait aujourd'hui sur tout le pays. Une très belle journée à venir avec de larges éclaircies dès ce matin sur l'ensemble des régions. Un mercure à 21 degrés en moyenne cet après-midi. Vous aurez du soleil encore demain mais de la pluie dimanche. La fac de droit va rouvrir ses portes dès aujourd'hui à Rouen. La menace que faisait peser un homme au comportement suspect a semble-t-il été levée. L'université a été fouillée, la sécurité va être renforcée. Repéré par un étudiant, l'individu fiché S a été interpellé. La cour d'appel de Versailles va se prononcée sur l'affaire Kerviel. Elle va dire aujourd'hui, en début d'après-midi, si elle condamne ou non l'ancien trader à verser près de 5 milliards d'euros à la Société Générale. Jérôme Kerviel, dont la condamnation à 3 ans de prison ferme pour abus de confiance, faux et fraude, a été définitivement validée en cassation. Jean-Yves Le Drian est à New Delhi ce matin. Le ministre français de la Défense va y signer un gros contrat avec son homologue indien. La livraison de 36 avions de chasse Rafale à l'armée indienne de fin 2019 à mi-2022. Bon de commande à 8 milliards d'euros. Des passagers terrifiés à bord d'un A320 de la compagnie Jetstar. Certains disent avoir entendu une explosion puis vu de la fumée dans la cabine une heure après le décollage de l'Airbus en Australie. Les pilotes ont dû couper un moteur et poser l'avion en urgence à Brisbane. 500 millions de comptes Yahoo ont été piratés. Cela ne date pas d'hier mais de fin 2014. Les hackers ont dérobé les noms des inscrits, leur date de naissance, leur adresse mail, leur mot de passe et autres numéros de téléphone. Si vous avez un compte Yahoo, le mieux est bien sûr de modifier rapidement votre code d'accès. Ce sera son premier concert dans la mythique salle parisienne The Avenir demain soir à l'Olympia avec Virgin Radio. Une date qui marquera aussi la fin de sa tournée Summer Tour 2016. Après ce concert, le DJ producteur niçois se concentrera sur son nouvel album The Avenir avec Séverine Kricorian. C'est une date merveilleuse. J'aurais jamais pu penser pouvoir remplir un Olympia, même encore l'année dernière. Pour moi, c'était encore un rêve de gosse. Je suis très heureux de pouvoir jouer à Paris pour mon public parisien qui attendait une date un petit peu où j'étais headliner, où je pouvais m'exprimer tout seul. Donc beaucoup de surprises pour ce concert, à savoir beaucoup de chanteurs, de musiciens de l'album qui vont venir faire des performances surprises. J'ai qu'une hâte, c'est faire cette date et puis ensuite rentrer en studio pour préparer mon deuxième album. Autre occasion de voir The Avenir sur scène, ce sera bien sûr la soirée électrochoc du 6 octobre au Zénith de Paris avec Virgin Radio. Il y a encore quelques places à gagner en nous écoutant et sur virginradio.fr. Enfin, un mot de foot, ce soir l'ouverture de la 7e journée de Ligue 1. Toulouse reçoit Paris à 20h45 au Stadium Municipal. Voilà pour l'actu. Tout de suite, c'est Virgin Tonic. Très bon réveil. Soyez les bienvenus les amis sur Virgin Radio, on est là en direct chaque matin à vos côtés et c'est un vrai kiff sincèrement d'être là depuis 6h et jusqu'à 9h de vous accompagner pendant que vous partez bosser nombreux, peut-être déjà arrivé puis encore sur la route, prudence dans les bouchons, patience surtout. Je vous présente Laure, salut. Je vous présente Clément, salut. Je vous présente Pauline, coucou. On est là tous ensemble chaque matin, c'est le 3916 pour nous joindre, alors n'hésitez pas parce que là je vous en parle depuis tout à l'heure, hein. Je vous envoie quand même applaudir les Chainsmokers, c'est cool, vous assistez au concert et tout, c'est top, vous les avez découverts chez nous. Mais on vous offre pas un concert à Paris ou n'importe où. On vous envoie à Las Vegas, tout frais payé, avec la personne de votre choix. À Las Vegas pour assister au concert et passer quelques jours là-bas. Ça nous fera très très plaisir. Et alors, je vais avoir besoin de l'équipe. Oui. L'équipe, on va faire un jeu qu'on n'a plus fait depuis un petit moment. Oui. On va refaire le rêve ou réalité. Ah. Donc vous allez sortir, moi je veux pas savoir. Les ouais. gens qui nous écoutent ne savent pas non plus, vous vous inscrivez au 3916. Vous vous mettez d'accord, on fait un rêve ou réalité. Ok. C'est-à-dire que l'équipe vont tous vous raconter une anecdote, sauf qu'ils se sont mis d'accord, il y en a une seule qui est vraie. Ok. Si vous retrouvez quelle est la vraie anecdote, un truc qui est vraiment arrivé à l'un d'entre eux, eh bien vous repartirez avec ce séjour à Las Vegas, Kungs, qui arrive pour le Pop Rock Electro, et à 8h35 pour vous aider à passer ce vendredi. C'est jamais simple le vendredi. Eh bon, on va s'écouter un petit réponse à tout. C'est Clément qui gère ça. Réponse à tout. Et oui, Clément descend dans la rue, il fait ça chaque jour, il pose des questions aux enfants entre 5, 10 ans à peu près, et les réponses, bah, elles sont toujours marrantes. Et là, je leur ai demandé ce qu'était un Minitel, parce que oui, eux, ils l'ont pas connu. C'est quoi un Minitel ? Pour moi, c'est un réseau social, genre comme MSN, où tu parlais sur l'ordi à tes amis et tout ça. Pour moi, c'est un tout petit téléphone avec les grosses antennes. Vous savez, comme dans les films, là, où le monsieur, il dit... Oui, allô, ça capte pas très bien sur mon Minitel. Et après, je te rappelle plus tard. En y réfléchissant bien, je pense que c'est un ordinateur, mais très ancien. En fait, c'est comme un gros boîtier avec, avec un clavier. Ça date de quelle époque à peu près ? 2000, 1990, je sais pas. 1890. Bah, c'est vieux, quoi. Ouais. Un truc de mon âge. Ouais. Il y en a un de vous qui a la bonne réponse. Je vous dirai pas lequel. C'est qui a la bonne réponse ? Ah, pour moi, c'est moi. Ah, mais moi, c'est même pas mon avis, c'est, je suis sûr, c'est moi. Bah, c'est moi. Sinon, j'aurais pas dit ça. Ah, bah, vive le Minitel. Réponse à tout ! Merci de jouer le jeu chaque matin, les enfants. Prochaine réponse à tout, ce sera à la même heure lundi matin, bien sûr. Kungs, don't you know, voilà ce que je vous ai préparé pour bien, bien, bien démarrer ce vendredi. Bon courage. Let's go ! Salut, c'est Kungs dans Virgin Tonic. Tonic. Virgin. Virgin. I'm gonna wreck your back. Take it faster. Gonna wreck your back. Don't stick no. I'm gonna wreck your back. Take it faster. Gonna wreck your back. Don't you know? No. Soyez les bienvenus sur Virgin. Oui, c'est le Virgin Tonic, c'est votre rendez-vous, c'est chaque matin, 6h, 9h, du lundi au vendredi, avec l'équipe qui est là, yeah, et avec vous tous au 3916, c'est le numéro pour nous joindre, vous qui êtes peut-être encore sur le chemin pour aller bosser, peut-être dans les transports en commun, et puis aussi c'est le numéro, le même, pour vous inscrire, pour jouer avec nous, et là les amis. Depuis le début de la semaine, on vous offre un tour du monde du pop-rock électro. On a commencé lundi, on vous a offert Shawn Mendes à Sydney. Ouais. Mardi, vous avez pu gagner vos places de concert pour aller en Allemagne applaudir 21 Pilots. Ensuite, c'est Jay, on l'a entendu. On vous a aussi offert les places avec le transport. Hier, vous êtes reparti en Australie. Deux places pour aller applaudir les Strumbellas en Australie. Et ce matin, on finit en beauté. Vous partez aux États-Unis, vous partez dans le Nevada, vous partez à Las Vegas. Tout frais payé, un beau séjour. Et en plus, dans ce séjour-là, un soir, vous irez au concert des Chainsmokers. Parmi tous les milliers et milliers d'appels qu'on a au 3916, on a retenu une personne qui va devoir gagner le rêve ou réalité. Rêve ou bien réalité. C'est Céline qui a la chance d'être là en direct. Bonjour Céline. Good morning Camille et toute l'équipe. Salut. Salut. Déjà prête pour Las Vegas, hein? Grave. Tu viens d'où, ma belle? De Rueil-Malmaison. Très bien. Rueil-Malmaison, tu fais quoi dans la vie? Je suis commerciale. D'accord, très bien. Dans quoi? Dans la location de voiture. Ok, Avis? Non, c'est pour les entreprises. Six? Non, filiale de BNP. Filiale de BNP. On connaît pas du tout. Mais c'est pas grave. Écoute, Céline. Oui. Quoi qu'il arrive, est-ce que filiale de BNP te laissera partir quelques jours à Las Vegas si tu gagnes? Mais bien sûr. Pour ça, il va falloir démêler le vrai du faux. Chaque personne de l'équipe, ils se sont mis d'accord. Hein. Oui. Vont te raconter une anecdote. Laure, Clément, Pauline. Oui. Et il y en a qu'une seule qui est vraie. Je ne sais pas non plus, donc j'essaierai de t'aider, mais j'en ai aucune idée. Et si tu démêles le vrai du faux, si tu retrouves la vraie anecdote, eh ben ce sera gagné pour toi. En un mot, chacun votre histoire. Laure. Bouilloire. Clément. Erreur d'argent. Ça irait plus à Laure, cette anecdote. Oui, Pauline. Samy Salami, c'est ton ex. Mon premier amour. Ton premier amour. Eh ben, on commence avec toi, tiens. Le premier amour, qu'est-il arrivé avec Samy Salami? Eh ben, écoute, c'est une histoire de pardon, dingue. Ma chérie, déjà, je dis à Céline, déjà, si jamais t'es une fidèle de l'émission, tu sais que rien n'est inventé. Son premier amour s'appelle vraiment Samy Salami. Samy Salami, c'était après la maternelle. Ouais, la maternelle. Et en gros, Samy Salami, j'en parle avec William, mon actuel copain, et il me dit, mais c'est fou, je connais ce prénom. Je dis non mais arrête, on le cherche partout et tout ça. Et il me dit non mais j'ai été pion dans un lycée et j'étais le pion de Samy Salami. Oh, donc il le connaît. Parce qu'il faut expliquer, Samy Salami, souvent on en parle, c'est ton premier amour, mais c'était en primaire quoi. C'était maternelle, primaire, enfin je l'ai c'est vraiment suivi quelques années. Le début de tes émois, le premier garçon sur qui t'as dit c'est mon amoureux. Ah bah déjà, et puis il m'a offert la bague de mariage de ses parents. Bon, on a eu des problèmes après. Bah mais... oui, parce qu'il a fallu la rendre. Mais du coup, donc Samy Salami, on l'a recherché, tout ce que tu dis est vrai. Oui, on l'a recherché, on ne l'a jamais retrouvé. Et donc lui aurait été pion de Samy Salami. Mais William, mon actuel, aurait été pion. Il faut savoir qu'il est plus vieux que nous. Donc, et tout ça se passe du côté de Bordeaux. Et tout ça se passe, c'est un grand village, comme on dit. Grand village Bordeaux. J'ai aucune idée. Tout est plausible. Donc, en tout cas, si c'est un mensonge, t'es un mauvais fond, Pauline, parce que vraiment, on tomberait vite dans le panneau. Moi, je pourrais y croire complètement à cette histoire, Clément. Quand tu t'appelles Samy Salami, tu vas pas jusqu'au lycée. Mais bien sûr que si. Attention, Clément, tiens, puisque tu fais le malin, problème d'argent, c'est ça ton anecdote. Erreur d'argent, au contraire, c'est très bien. La semaine dernière, j'ai fait un resto avec des amis. On en a eu pour 85 euros. On a dit, ouais, c'est cher. Mais en même temps, on avait pris une bonne bouteille, et voilà. Et au moment de régler, je m'en suis pas rendu compte, j'ai payé. J'ai dit, ouais, en plus, c'est moi qui vous invite, donc j'étais là, ça coûte cher. Et quand je suis rentré après, j'ai regardé le ticket, 8,5. J'ai mis les virgules au même endroit. Le resto où on a vraiment kiffé m'a coûté 8,50€. Donc c'est plutôt bien. Au lieu, t'as invité tout le monde, non pas 85€, 8,50€. Exactement. Donc ça arrive pas dans la vraie vie. J'étais refait. Mais c'est exceptionnel et c'est pour ça que j'en parle. Non. Et en plus, Clément, je te connais. T'es tellement gentil, tu serais capable de retourner au resto et dire les amis, vous m'avez pris que 8€ le 85€. C'est tellement vrai. C'est pas de musique. Voilà, c'est magnifique. Comme le savent les fidèles de l'émission, on me reproche d'avoir volé une bouilloire au bureau. C'est vrai. C'est vrai. Je l'ai empruntée. Comment on peut dire on me reproche alors que c'est vrai? Mais non, parce que j'avais l'intention de la ramener. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Je vais enfin vous raconter l'histoire de la bouilloire. Oh non. C'est que je suis partie avec cette bouilloire dans le but de l'emprunter en attendant d'en acheter une. Laisse-moi finir, je t'en supplie. Non, mais je vais te laisser finir. C'est juste que. Elle a volé une bouilloire et ça fait 2 ans, c'est le plus long running de l'émission, qu'elle me dit « Est-ce que je peux raconter l'histoire de la bouilloire ?» Et le running, c'est de dire « Non, on n'a pas de temps. » Et donc, elle s'est permis de la mettre l'anecdote dans le rêve réalité pour enfin pouvoir se justifier sur la bouilloire. Elle est maline. Eh bien, alors, tu sais quoi? T'es tellement maline que tu mérites. On va écouter enfin cette histoire de la bouilloire. Et pourquoi tu ne l'as jamais ramenée? Parce qu'en fait, le jour où je suis partie, je l'ai mise donc dans ma voiture avec plein d'autres trucs que j'avais dans ma voiture et je suis allée faire des courses. Et on m'a volé tout ce que j'avais dans ma voiture. Oh, Mais je te jure, on m'a volé tout ce que j'avais dans ma... C'est bien mal acquis, ne profite jamais. On t'a ouvert le coffre et t'as perdu quoi d'autre? Mais une paire de chaussures, l'appareil photo de ma fille. Enfin, franchement, c'était le jour où j'avais la voiture la plus chargée. Et la bouilloire. Les amis, je vais maintenant vous dire quel est le sondage chaussure. Donc, Jean, on t'a volé la bouilloire dans ton coffre? Ouais. J'y crois pas une seconde. Attention. Attention, ma chérie, je veux pas t'induire en erreur. On va quand même demander, il y a un sondage Twitter. Oui. Qu'en pensent nos auditeurs sur Twitter? Ils pensent que qui est-ce qui dit la vérité? Pour l'instant, c'est Pauline largement, même. Mais... Moi, je vais vous dire tout colle. Hein. Bordeaux, ton mec, ton nouveau mec est de Bordeaux. Il a 10-15 ans de plus que toi. Il a pu être pion. Il aurait pu être ton pion, ton surveillant d'ailleurs. Oui. D'après vous, Clément. J'ai quand même une question pour Laure, pour aider Céline. C'est le jour où tu l'as volé ou tu te l'es fait piquer? Ouais. Donc, c'est pas cette bouilloire-là que j'ai vue la semaine dernière sur ta cheminée? Non. D'accord, ok. Mais qui est curieusement la même. Ouais. Ah non, non, non, je vais en acheter une. Ah, d'accord. Exactement la même. Exactement la même, ouais. Avec un logo Virgin Radio dessus. Attention, Céline, il est temps de choisir vraiment. Il faut que je veux pas trop t'aider parce que c'est un très beau cadeau à la clé. Céline. Eh ben, les Samy Salani, Popo lui arrive tellement des trucs de fou, je le dis. Donc tu penses que c'est elle qui dit la vraie anecdote? Ouais. Laure, est-ce que ton histoire était un rêve ou une réalité? C'était un rêve. Ça va se jouer entre Clément et Pauline. Pauline, est-ce que ton histoire est un rêve ou une réalité? C'est une réalité, c'est fou mais c'est vrai. Mais genre, tu sais quoi, c'est fou mais ça saute est vrai. C'est gagné pour toi, bravo. C'est toi qui conclut ce tour du monde du pop rock électro, ma chérie. Tu pars à Las Vegas avec la personne de ton choix. Génial, merci, merci, merci. Et je suis très heureux, vous imaginez, ce matin on a offert pour presque 3000 euros de loyer, on a offert des iPhone 7, on a offert plein de trucs, on a offert un séjour d'une valeur de 7000 euros à la Martinique. Et là maintenant, c'est à Las Vegas que tu pars, Céline. Merci, merci, merci l'équipe, vous êtes au top. Et ben, on vous adore et on vous écoute quoi. Que je suis très heureux, tu pars avec qui ma Céline? Et ben avec des copines, on verra, avec une copine en tout cas. D'accord, c'est deux places hein. Après, pardon. Non, je t'en prie ma belle, je te fais plein de bisous, on est très très très heureux pour toi. Oui, Laure. Du coup, je peux vous raconter l'histoire de la première? Non, on a tout le temps. Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling sur Virgin. Excellent réveil. Virgin Tonic. I got this feeling inside my bones. It goes electric, wavy when I turn it on. Off from my city, off from my home. We're flying up, no ceiling when we in our zone. I got that sunshine in my pocket. Got that good soul in my feet. I feel that hot blood in my body when it drops. Ooh, I can't take my eyes off of it. Moving so phenomenally. Come on, lock the way we rock it. So don't stop. And under the lights when everything goes, nowhere to hide when I'm getting you close. When we move, well, you already know. So just imagine.

Et oui, pour se réveiller chaque matin, on est là avec vous, 6h, 9h. Alors la semaine est bientôt terminée, hein. C'est du lundi au vendredi. Mais on va chanter une chanson, la chanson de la semaine, encore une fois, pour vous remercier pour cette belle semaine qu'on a passée à vos côtés. Et puis on sera là de toute façon de retour la semaine prochaine, bien sûr. On est toujours en best-of le samedi ? Oui, oui. Ah, ouais, ouais. C'est bien ça. Demain, pour ceux qui travaillent, je sais que vous êtes aussi nombreux à continuer à bosser le week-end. Et ben demain, on sera en best-of entre 6h et 9h. Qui fait le best-of ? C'est Pierre-Alex. PA. Et ouais. Il est partout. Il arrive aussi hein, pour toute une matinée de pop-rock électro, Pierre-Alex. Et pour le moment, chanson de la semaine, les copains. Et ouais, qui va revenir sur les meilleurs moments, plein de souvenirs. Voilà, tout ce qu'on s'est encore fait depuis lundi matin, 6h avec vos côtés. Oui, Nico, vous ? Je suis pas sûr que ce soit les meilleurs, mais en tout cas, c'est des moments de la semaine. Il y a eu des moments. Il y a eu des moments. Il y a eu des moments cette semaine. On a un jingle ? Bien sûr. Oh, magnifique. Ah, voilà. La chanson de la semaine. Si t'as raté des trucs, c'est la chanson de la semaine. Et si vous nous rejoignez tout juste, j'ai plein de bonnes nouvelles. Puis je vais vous dire tous les cadeaux qu'on vous offre la semaine prochaine. Si vous êtes des fidèles de l'émission, vous allez tomber à la renverse. Vous allez tomber à la renverse. C'est incroyable tout ce qu'on a à offrir. Nico Bou, le musicien de l'équipe qui est là avec nous tous les matins à préparer la chanson. Je veux que toute l'équipe chante. Oui. Okay. Tout le monde, que ce soit une grande fête. Nico du bureau. Oui, bah chantez aussi. Oui, bah oui, je vais chanter, oui. Nico Bou. Oui. Je me confonds. C'est pour ça, d'accord. Ok. Nico Bou qui a la guitare, attention, vas-y. Voilà, t'es un peu. Non. C'est pas accordé, ça. C'est pas accordé, ça. Vas-y, plus de médiator. Ouais, vas-y, un peu à gauche, là. Ah, voilà. Ok, c'est bon. On peut y aller, les amis. Pas de pipopu. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé les choses cette semaine. Oh, il s'en est passé les choses cette semaine. Ouais, il s'en est passé les choses cette semaine. Bon, tout d'abord, on revient sur Clément, ouais, qui propose un cadeau à notre auditeur Florian. C'est ce qu'il va dire. Quand il lui parle de la Big Brownie Party, ça fait. Tu joues pour la Big Brownie Partouze. Suite à ça, le standard a explosé. Il s'en est passé les choses cette semaine. Pardon. Il s'en est passé les choses cette semaine. Oh, il s'en est passé les choses cette semaine. Oh, il s'en est passé les choses cette semaine. Camille nous explique Clément qui danse la salsa. Pour lui qui l'a vu, ça donne plutôt ça. Clément, il danse la salsa, on dirait qu'il est en train de se faire taser par un policier. Du coup, il a baptisé cette nouvelle danse. Alors qu'est-ce que c'est ? C'est une dégueulasse, ça. Ça va cartonner, elle a toutes ses chansons. Il s'en est passé les choses cette semaine. Ouais, il s'en est passé les choses cette semaine. Il s'en est passé les choses cette semaine. Ouais, il s'en est passé les choses. Cette semaine, ce matin on a découvert la chanson de Pauline et Willou, la cartouchasse. Attention, écoute ça, toi qui es chez toi. Ne me quitte pas, il faut oublier tout. C'est vraiment leur chanson. Voilà un couple qui s'éclate tous les soirs. Bien sûr, ils en ont passé les choses cette semaine. Ils s'en est passé les choses cette semaine. Wow, ils s'en est passé les choses cette semaine. Wow, ils s'en est passé les choses cette semaine. Allez, dernier couplet. Oui, j'ai bien dit. Oui, ou la cartouchasse. Ou la cartouchasse. C'est comme ça qu'on appelle le vieux petit copain de Pauline. L'explication, on l'a eu. La voilà. On l'appelle Willou la cartouchasse parce que voilà. Croyez-moi, il perd pas de temps. Tu m'étonnes qu'il a pas de temps à perdre vu l'âge qu'il a. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Oh, il s'en est passé des choses cette semaine. Il s'en est passé des choses cette semaine. Et on vous souhaite. Tous de nous avoir super bien qu'on passe cette belle semaine en votre compagnie. Bravo à Nico Bou, le musicien de l'équipe. Bravo à toute l'équipe qui a chanté aussi. Clément a compris qu'il fallait qu'il se mette sur le côté, le mouvement des chansons. Mais il donne tout sur le refrain. Les amis, alors je vous en parle depuis tout à l'heure. Et alors là, la semaine prochaine, vraiment, je voudrais d'avance vous remercier d'être là avec nous. Et on va vous féliciter. Nous êtes fidèles de plus en plus chaque matin. La semaine prochaine, les amis, écoutez bien. Déjà, on repart avec nos amis de chez Brossard. Pas que Brossard, Brony à volonté, concert privé organisé par Brossard et l'iPhone 7 surtout. Vous repartez avec tout ça tous les matins. On vous offrira plein plein de choses. Et puis surtout, c'est le retour parce que des PS4, déjà, wow. Le FIFA 17. C'est sympa. Et puis, surtout les amis, la semaine prochaine, parce que ce matin, on a fait quand même une heureuse. Elle s'appelle Mabel. Oui, elle vient de la Penne-sur-Yvonne, près de Marseille. Elle est repartie avec un séjour en Martinique d'une valeur de 7000 euros. Et bon, on va pas s'arrêter là. La semaine prochaine, rebelote. Cette fois, c'est la réunion avec la personne de votre choix en hôtel 5 étoiles, les amis. Ce sera encore à gagner chez nous. Oh là là là, je suis comme un dingue. Je suis comme un dingue. Clément. Il y aura aussi la Big Brony Party. Eh ben oui. Ouais, ouais, ça va être extraordinaire. Je voulais juste voir si je le prononçais bien. Les amis, ne soyez pas surpris hein, si vous êtes avec nous depuis 8h maintenant. Nico du bureau a perdu le conseil de Koh-Lanta. Ouais. Tout le monde a voté contre lui. Ouais. Ce qui veut dire qu'il a eu un gage et on peut mettre tout ce qu'on veut sur son Twitter. Oui. Ça y est, c'est fini. Ah, mais allez voir, il y a eu 5-6 ah ouais. messages très sympas. Non, non, on a dit que c'était jusqu'à la fin de l'émission. Il reprend le contrôle de son Twitter. Merci. J'en ai encore passé une très très belle semaine grâce à vous. J'espère en tout cas que ce vendredi va bien se passer, les amis, pour vous. Vous qui êtes peut-être déjà au travail, vous qui êtes peut-être encore sur la route. On reprendra soin de vous parce que c'est notre plaisir la semaine prochaine, chaque matin, entre 6h et 9h. Avec aussi, je le rappelle, j'ai oublié, le retour du loyer et quand même. Oui. 6h20, 7h20, 8h20, chaque matin, bien sûr. Puis le retour de Laure, le retour de Clément, yes. Le retour de Nico du bureau, de Ginger, de Pauline du Standard, de Robin aussi, qui dès 5h vous réveille avec le warm-up du Virgin Tony. Ouais. Et ben voilà, je vous souhaite de passer un très très beau week-end. Merci encore de nous être fidèles chaque matin. Et super week-end. Alex est parti pour une matinée de pop-rock électro. Ah bah pour une fois il est là lui. Ah, Bah oui je suis là évidemment. Ça y est, c'est parti, pop-rock électro non-stop. Ça va bien. On est vendredi quoi. Le gars il voit son trésor public. Bah salut, je suis là, merci d'avoir pris un ticket pop-rock électro pour le numéro 44. Bonjour, vous avez vos papiers? Très bien, David Guetta pour vous. Allez. On te voit plus mon PA. Mais si, je suis là tous les matins, je suis juste devant là. Oh là, le studio juste en face. Qu'est-ce qu'il est propre. J'ai jamais vu un gars aussi clean, aussi propre, aussi nickel. Il a pas un poil de bas, il est nickel. Il ce n'est pas le cas de toute l'équipe. Hein, genre. Mais non, on est dégueulasse. Pauline. Il est tellement musclé que quand il m'a pris le micro des mains, il m'a appuyé sur les doigts, il m'a cassé deux doigts. Désolé. Il est nickel. Oui, c'est vrai qu'il est propre, ça lui va bien ce mot. Mais c'est propre, t'es propre, t'es magnifique. Et ben c'est parti, on va t'appeler Roger Cavaillès. T'es monté vous, oui Clément. Non mais on l'imagine pas parler mal. Ouais, c'est tu vas dire des gros mots et tout. Ouais. Ah parle mal tiens une fois. Attends, venant une musique de parle mal. <C'est>... Pierre Alex, t'es dans la rue, t'es sur le point de te garer. J'arrive avec ma voiture, je te pique la place devant toi. Qu'est-ce que tu dis? Je te dirais bah casse-toi avec ta bagnole. Voilà, un truc comme ça. Pourquoi il faudrait que je me casse? Je l'ai vu avant la place. Bah non, bah c'est pas grave. Je veux la place. Bah non, maintenant je suis garé, je reste là. Eh bah ouais, mais bon, c'est comme ça. Mais il va se passer quoi? Eh bah je prends la place. Bah non, je suis garé, c'est moi qui ai la place. Oui, bah je te fais sortir de la voiture, je te dis écoute, c'est à moi de prendre la place. OK. Oh. Là je sors de la voiture maintenant et je m'en vais, je la bip, regarde, je bip ma voiture et je m'en vais. Salut, je reste garé là. Bah écoute, bah je pars. Je pars mais proprement. C'est ça. Évidemment, Pauline. Pierre Alex, c'est propre rock électro. C'est vrai. Allez, jusqu'à midi, propre rock électro avec Pierre Alex. Il va commencer avec Jonas Blue. J'ai appris ce matin que c'était pas un groupe. Hein. Bah non. En vrai, tout seul. Il arrive dans un instant. Enfin, un dernier point sur l'actu avec tous nos journalistes que j'embrasse aussi bien fort qu'on passait toute la semaine à nos côtés. C'est parti. C'était le Virgin Tonic nouvelle semaine. Qui s'inscrira en direct avec vous, bien sûr, dès lundi matin, 6h. Salut tout le monde, ciao! Ciao! Ciao. Ciao. Your radio. Pop, electro. Les infos Virgin Radio avec Tristan Sarah. Bonjour à tous, du grand beau temps pour aujourd'hui et pour demain sur tout le pays, du soleil pour tout le monde avec des températures très agréables, 21 degrés en moyenne cet après-midi, 23 à Paris, 24 à Lyon, 26 à Nîmes. Attention, il devrait un petit peu pleuvoir dimanche sur la plupart des régions. Deux jeunes portés disparus en mer ce matin après une collision entre deux bateaux cette nuit au large du port de Hyères dans le Var. Un hélicoptère équipé de caméras et de projecteurs est déployé actuellement ainsi que 8 plongeurs. L'affaire Jérôme Kerviel de retour dans l'actu. La cour d'appel de Versailles est amenée à se prononcer cet après-midi sur les dommages intérêts réclamés par la Société Générale à son ancien trader. 4,9 milliards d'euros, mais surtout un enjeu fiscal pour la banque qui pourrait être contrainte de rembourser 2 milliards d'euros d'aide à l'État. De gros sous, il sera question aussi aujourd'hui à New Delhi. L'Inde va passer pour quelques 8 milliards d'euros de commandes à la France. L'armée indienne souhaite se doter de 36 avions Rafale. La contagion de la radicalisation islamiste à la une du Figaro. Le quotidien révèle que 1954 mineurs sont signalés comme radicalisés en France. Un chiffre en hausse de 121% en l'espace de 8 mois. Les jeunes filles sont de plus en plus nombreuses à tomber sous l'emprise des recruteurs de Daesh. Depuis l'an dernier, la protection judiciaire a suivi 600 mineurs radicalisés. 37 ont été mis en examen et 14 incarcérés. Le Figaro, qui comme toute la presse papier en général, a vu ses ventes baisser cette année. Le plus fort recul pour Libération, en chute libre de 21,5%. Baisse aussi pour le Parisien, Ouest France et l'Express. Les lecteurs se sont davantage rués sur l'équipe, Valeurs Actuelles et les Échos. Les Échos qui annonçaient justement en exclusivité hier soir une hausse de 15% du prix du tabac à rouler. C'est confirmé ce matin par Bercy. Cela fera passer le prix du paquet de 30 grammes de 7,30€ à 8,60€. De quoi verser 120 millions d'euros de plus dans les caisses de la Sécu qui vient d'ailleurs de redresser ses comptes de façon spectaculaire. Jean-Marc Morandini a été déféré au palais de justice de Paris il y a quelques minutes. L'animateur vient de passer 48 heures en garde à vue pour corruption de mineurs et harcèlement sexuel. Il devrait être mis en examen, ce qui signifierait que la police disposerait d'indices graves et concordants. Vous avez un compte Yahoo? Eh bien, c'est le moment de modifier votre code d'accès à votre boîte mail. 500 millions de comptes ont été piratés. Les hackers ont volé les mots de passe, adresse mail et date de naissance des inscrits. Enfin, en foot, match avancé de la 7e journée de Ligue 1 ce vendredi soir. Le Toulouse Football Club reçoit le Paris Saint-Germain 45. La suite tout ce week-end, notamment demain, Lorient-Lyon à 17h et Nice qui va jouer dimanche à Nancy. Très bon réveil. Virgin Radio. Pop, rock, electro. Non-stop. You were looking at me like you wanted to stay. When I saw you yesterday. I'm not wasting your time, I'm not playing no games. I see ya. Who knows the secret tomorrow we'll hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe feeling this way. There's so much we can't explain. Maybe we're helping each other escape. I'm with ya. Who knows the secret tomorrow we'll hold? We don't really need to know. Cause you're here with me now, I don't want you to go. You're here with me now, I don't want you to go. Maybe we're perfect strangers. Maybe it's not forever. Maybe the light will change us. Maybe we'll stay together. Maybe we'll walk away. Maybe we'll realize we're only human. Maybe we don't need no reason. Maybe we're perfect. Pop. Rock. Rock. Electro. C'est forcément Virgin Radio. LP. DJ Snake et Justin Bieber. The Stranglers. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I got guns in my head and they won't go. Spirits in my head and they won't go. I've been looking at the stars tonight, and I think, oh, how I miss that bright sun. I'll be a dreamer till the day I die. Virgin Radio, bonjour, soyez les bienvenus, c'est Pierre-Alex. Quel plaisir de vous retrouver en ce vendredi matin, quelques heures du week-end. On va profiter tous ensemble. Vous allez en faire le numéro 1 ce titre, et la première fois que vous l'entendez, c'est sur Virgin Radio. Son nom c'est Mike Perry, et Ocean arrive dans un instant, avec aussi Alan Walker et Moom pour bien commencer la matinée, peut-être au boulot ce matin, courage. En ce moment, avec les affaires Bricoman, des 800 euros d'achat cuisine, le plan de travail stratifié 3 mètres polyré est offert. Offre valable du 23 septembre au 19 octobre 2016 sur caisson, façade, crédence, évier, robinetterie, électroménager et autres accessoires cuisine. Plus d'infos sur bricoman.fr. Ayez le bon réflexe, rapportez votre marchandise en trop. Voir conditions en magasin dépôt. Bricoman, les nouveaux entrepreneurs. Alice va tester à l'aveugle des sodas Lemon Lime. Le soda Sprite à 63 centimes le litre, puis le soda Lidl à 48 centimes le litre. Alice. J'aime. Et. J'aime. De même, j'aime. Oui, mais pas au même prix. Lidl. Prix moyen constaté du 25 juillet au 11 août 2016 dans l'enseigne la moins chère parmi les enseignes relevées portant sur le Sprite non disponible chez Lidl. Composition des produits et plus d'infos sur Lidl.fr. Sprite, 95 centimes les 1 litre 5. Soda Lemon Lime Lidl, 95 centimes les 2 litres. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Il y a toujours un petit au look irrésistible dans la classe de nos enfants. Les parents doivent se ruiner. Et non, ils profitent des Original Days chez Tape à l'œil. Les magasins 100% mode de 0 à 14 ans. Jusqu'à moins 50%. Oui, jusqu'à moins 50%. moins 50%. Les Original Days jusqu'au 26 septembre chez Tape à l'œil ou sur t-a-o.com. Valable sur produits signalés dans les magasins et sur le site Tape à l'œil. Dépêchez-vous, ça commence! Les 6 jours grandes marques chez Intermarché. Profitez de 70% en avantage carte sur le lot de 2 bidons de lessive liquide Ariel. Oui, 70% crédité sur votre carte de fidélité. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 2,99 litres, conditions et magasins participants sur intermarché.com. Produits dangereux, respectez les précautions d'emploi. Le magique anniversaire continue chez But. Et en ce moment, le plus magique, c'est la machine à dosette Tassimo à 29,99€ au lieu de 69,99€. Oui, 40€ de réduction. Moi, on me dit ça, j'y vais. But, c'est nous. Oh, j'y arrive pas à me réveiller. Pareil. Café ? Oui, on le boira chez But. Micheline, votre réponse pour le jackpot. La mer Noire. C'est gagné. L'alerte discount. Je dois filer. Aujourd'hui, les deux rôtis de porc épaule sans os origine France sont à 2,99€ le kilo chez Netto. 2,99€ le kilo. L'alerte discount fait toujours des euros. Netto, le discounter qui fait la différence. 2 kilos environ. Virgin Radio. Virgin Radio. Virgin. Vous allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. Remember asking both my mom and dad why we never traveled to exotic lands. We only ever really visit friends. Nothing to tell when the summer ends. We never really went buying clothes. Folks were passing on the stuff in plenty loads. New shoes once a year and then out to play ball so we could ruin them. Mama said that it was okay. Mama said that it was quite alright. Our kind of people had a okay. Mama told us we were good kids, and Daddy told us never listen to the ones pointing nasty fingers and making fun, 'cause we were good kids. I know which place I'm from, that's where I go. An old friend can give advice and why I'm okay. I said I'm okay. You know what she told me? My mama said Virgin Radio. So lover, which way have you moved? It's been a while since I've heard his groove. Cosmic love gave you something gold. So you wrap it all up and take it away. Suddenly it's all real. Suddenly it's how you feel. You're free now. So the unknown. something more. Sur Virgin Radio. This is Virgin Radio. Watch the sunset, hold it from afar, close as I get to being where you are. Cette mélodie, je la chante partout pour qu'elle te poursuive. Je rappelle à nous. Here I stand, staring at the sun. Distant land, staring at the sun. You're not there, but we share the same one. Je suis là, devant le soleil. Loin de toi, devant le soleil. Je le tiens dans mes mains. Around me like a wonder. We are allez l'entendre partout. Mais la première radio qui vous l'a joué, c'est Virgin Radio. Me demande pas pourquoi je tremble quand t'es là. Si je t'évite et que je tangue, c'est à cause de moi. Maintenant je vois l'amour comme une guerre, j'ai trop souvent fini à l'eau. Comme un con au milieu de la mer ou de la bataille de Waterloo. Tu me dis qu'avec toi, ça ne sera jamais pareil. Qu'il faut savourer l'inconnu. Je voudrais tellement croire à cette foutue ritournelle. Me laisser prendre dépourvu, je ne veux plus. No, I don't. D'où vient ce froid quand tu prends ma main? Si tu me touches, que je me glace, tu n'y es pour rien. Maintenant je vois l'amour comme une guerre, j'ai trop souvent laissé ma peau. Comme un con au milieu de la mer ou de la bataille de Waterloo. Tu me dis qu'avec toi, ça ne sera jamais pareil. Qu'il faut savoir se mettre à nu. Je voudrais tellement croire à cette foutue ritournelle. Me laisser prendre dépourvu, je ne veux plus. No, I don't. Soyons clairs, il n'y a pas mieux pour bien démarrer la matinée. 40 minutes de pop rock électro non-stop se prépare dans un instant avec plein de découvertes incroyables, tous les talents que vous découvrez sur Virgin Radio. Après avoir écrit pour Rihanna, c'est à elle d'être sur le devant de la scène en tant que chanteuse. C'est Virgin Radio qui vous a fait découvrir en France LP. Aujourd'hui, non seulement il cartonne en France et partout dans le monde. LP qui arrive dans un instant. Avec aussi les frérots de la Vega et Richard Olinsky. Il sera où le 6 octobre, Richard Olinsky? Là. La plus grande tournée électro de France. Electro. Choc va ambiancer Paris le 6 octobre. Are you ready? Vous serez 8000 avec nous pour voir sur scène The Avenger. Kungs. Le Maître. Moum. Synapson. Yuxek. Jonas Blue. Lost Frequencies.